vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 16 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Et on t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Hein? Belle place, belle petite place où il rentre bien du monde apparemment, parce que autre que moi et François-Olivier, il y a aussi Stéphanie Paradis. Bon matin! Hey, bon matin, monsieur! Ça va bien? Très bien, vous? Très bien, merci! Monsieur? Ouais. Monsieur, madame? Toujours les politesses ce matin, hein? Moi, j'ai pas lu où on l'est pas. Ben, c'est pour faire changement. F la politesse, puis je suis rentré en premier pour pas avoir à me battre contre le monde entre la table puis le piment. Ben oui, c'est tout à fait logique. Que tu rentres en premier, t'es comme dans le fond. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, t'aurais pu utiliser tes techniques de lutte que je t'ai apprises. Oui. Comme, évidemment, le super upper crossover. Une clé de bras. Une clé de bras? Ouais, une atémie. Tu connais? Ben non, en fait. C'est comme une claque avec un revers. Ben, sur le chest. Il faudrait que je Ah, tu devrais parfaire tes connaissances en lutte. En lutre, François, chronique de lutte. Ouais. On s'entend là-dessus. Est-ce que tu nous dois ça? Ouais, mais. Écoute, OK. Chronique de lutte. Chronique, qu'est-ce qu'on avait dit de cross aussi? Ouais, les cross à taille fou. Oui, exactement. C'était la crossique. OK, j'aimais mieux crossette. Crossette, OK, ouais. Mais ça fait un petit peu sous-entendu kinky, hein, tu sais. Ouais. Ben, ça l'était déjà un peu avant. Pour ma chronique, mettons. T'sais. OK. Si on voulait faire un mercredi complètement kinky, tu pourrais faire ça. Elle a fait sa chronique, je t'aime, moi non plus. Moi, je fais mes kinky sexy time. OK. Ah, faut faire ça. On fait ça. OK. En mars. Puis moi, je fais quoi? Tu regardes. T'apprécies, comme toujours. Donc, revenons à Stéphanie Paradis qui va nous faire une nouvelle chronique dans notre janvier pic. Vous le savez, tout le mois de janvier, hashtag janvier pic. Ouais, c'est notre gros mois épique et on a une nouveauté par jour pendant tout le mois de janvier. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est la nouvelle chronique de Stéphanie Paradis. Oui, les petits bonheurs. Ça va être quoi, ça? Les petits bonheurs, là, ben c'est parce que, tu sais, dans la vie, on chiale beaucoup puis c'est facile de chialer. Mais je pense que souvent, on passe à côté des belles choses de la vie puis on prend pas le temps de les souligner. Tu sais, on va avoir plus tendance, tu sais, par exemple, si on va au restaurant puis on trouve que le service... c'était un peu merdique, ben on se gênera pas pour le dire. Mais si la serveuse fait particulièrement un bon service, ben on prend pas le temps d'y dire « Hey, merci, tu sais. » Fait. Je pense que ça va la rendre inconfortable si tu lui dis ça. Ben là, OK, Colin, arrête de me qu'est-ce que j'ai fait? Ben non. Pour boire. De me troller. Troller, c'est un vieux terme. Troller, j'aime ça. Troller? Hein? C'est comme causer. Ah, OK. Mais ça date, quand ma maman disait ça. Pour vrai, non, Ouais, ça date. Ça sûrement, c'est pas une référence au troll, les petites poupées, hein? Ben, écoute, je sais pas, mais en fait, là, c'est elle qui m'avait sorti ça quand j'étais relativement jeune. Ta mère est avant-gardiste, je pense. Je pense que oui. Peut-être. Hein? Ginette? Ginette, non. Non, Joanne? Non, tu ne l'auras jamais. OK. Linda? Non, oui. Okay. Ensuite, Annabelle Maton, deuxième chronique, je t'aime moi non plus cette semaine. Salut. Oui. Ça va toujours? Ouais. Ben oui, ça va. tu me parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, je vous parle du l'espèce de deuxième point G, en fait. Ben, je vais de comme l'espèce? C'est le point G, ça, c'est celui de Julie Snyder. Hein? C'est pas le point G de Julie Snyder. Non, ça, on veut pas savoir. Non, Pierre-Carl Pellado, ce qui se passe dans son lit, je veux pas savoir. Mais non, mais tu sais, en fait, c'est comme un deuxième point G parce que ça se situe juste plus loin, mais je vais comme vous en parler plus en profondeur pendant ma chronique. Hein? Okay. Mais c'est bizarre que tu me parles du deuxième quand, en fait, il y a des dames qui n'ont pas encore trouvé le premier. Mais c'est pas. Aujourd'hui, je vais comme être une espèce de GPS. OK. Pour vous. Un G dans le canal utérin. Yep. Hein? Hein, on connaît-tu? Parle bien médicalement parlant, lui. Il y a une affaire. Hein? C'est-tu pour les gens avec des vraiment longs doigts? C'est pour ça qu'il est au-delà de l'autre, non? Mais c'est. Donc, juste moi non plus à 8h30 tout à l'heure. Tu rentres ton bras. c'est le point vache. David Ferron va être là à 8h pour sa chronique La langue dans ton oreille. Lui, il va venir nous présenter des chansons françaises made in 2012. Made in Québec, non? Made in France. Tout le temps. Mais qui sonne très, très 80s. OK. Mais c'est récent de l'année passée. Ça, c'est vers les 8h? 8h, la langue dans ton oreille. Hey, ça va être, on va être 5 en studio. Ça va être... Sanglant. Ouais, 5 unités. Ouais, c'est 5 unités. Ouais, 5 unités. C'est un nouveau don d'émission, c'est comme 15 têtes valent mieux qu'une, mais attends. Encore moins bon. Doudou. Ah, merci. fait plaisir, bon. Tu sais. Et en tout début d'émission, Kinky Sexy Time, voilà. Donc, pour l'émission d'aujourd'hui, on va commencer en musique, par contre. Je pense qu'on devrait se gâter, François. Gâtons-nous. On devrait se gâter quelque chose. Tu sais, quelque chose qu'on joue pas à tous les jours. Parce que okay. je me trouve redondant un peu des fois dans mon choix musical, hein, ça paraissait. Alors, ça va entendre le tabac d'orchestre. Okay. Les Frères Goyette. Cool. Puis après ça, ben, peut-être une demande spéciale d'Annabelle, parce qu'elle a l'air de vouloir une chanson. Fait. Yep. De quoi ça? L'assemblage requis. C'est vrai que mon chant est mûr, mais ma face est longueur. Les bombes y font pousser de la véritable bombe. Laisse des traces de tailleur. Des gros golouches qui rôdent, fréquentent mes tournesols. L'armoire à glace qui porte très bien la camisole. Et leurs pouces verts sont menteurs. Je pourrais tirer vengeance dans la nuit. Évite les pièges à ours, les fusils. Couper au pied du bandit. Octobre, tant de brume, camoufle mon sabotage. Les grosses chaudières de chlore contiennent ce qu'il faut de courage. Coupe les racines d'un mirage. Je pourrais tirer vengeance dans la nuit. Évite les pièges à ours, les fusils. Coupe leurs oubliés du bandit. C'était Malajube et Synesthésie à Assemblage requis. C'est tellement bon et c'est grâce à Annabelle qu'on a écouté ça ce matin. Ça fait plaisir. Te faire plaisir au monde, hein? C'est ton devoir. Oui. Je sais pas. Donc, toujours Assemblage requis. François, Stéphanie, Annabelle. Mathieu, Plante. Mais. Allô? Hello, hello. Je pense que ce serait le moment. Je me rappelle même plus si c'est celle-là ou l'autre. Attends un peu. C'est celle-là? Oh oui! Oh. C'est Kiki Sexy Time. Oh yeah, c'est de bonne heure à matin. Pas mal, hein? Ouais. Ouais. C'est le trou qu'on a. Le trou qu'on a, François. Regarde. Pas sûr, celle-là, hein? Pas sûr. Pas sûr. Dans un sondage dans Glamour Magazine, 75% des lecteurs ont... des lectrices, en fait. Glamour, c'est pour les femmes, OK. Leur fantasme, c'était un homme déguisé en pompier. Ah, ben oui. Ah ouais. Trois quarts. Quand même. C'est beaucoup. Trois quarts des femmes, il me semble, c'est pas très original, hein? Ben, c'est tellement. Pas une question d'originalité, c'est une de question... Boyau. De boyau. Gros boyau. Oh! Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, écoute, un pompier, moi, ça m'a toujours fasciné. Pourtant, écoute, on les voit pas tant travailler. Non. C'est pas... C'est vrai. Mais en fait, on veut pas tant les voir, parce que si, je veux dire, t'es voir en action, ça se peut que c'est parce que tu sois en train de passer au feu. Il y a ça. Ouais, mais... Je sais pas. Mais comment ça, tous les gars, j'ai pas compris. Tous les gars veulent devenir astronautes. Comment ça fait que les femmes, tu sais, fantasment pas sur les astronautes? Parce que t'as moins de chances d'en pogner un. C'est ils sont plus rare. Assez rares. 66% des femmes préféraient acheter des jouets sexuels, d'accord, dans un vrai magasin et non en ligne. Ah. Dans un vrai magasin, ils préféraient ça. Il me semble, tu n'as pas à voir quelqu'un si tu l'achètes en ligne, mais tu as l'impression que peut-être que quelqu'un va voir que tu fais livrer un paquet érotique. Ouais, mais en ligne, tu vois pas comme toutes les fonctions, tu sais, tu peux pas comme le tâter. Non, tâter. Pis, la livraison, non, c'est super discret en ligne. Là. Boîte brune. Quand ça arrive pas, c'est pas écrit genre gros gadget érotique méga trash. C'est bien que tu n'aies pas trouvé le vrai nom de vrai gadget érotique. Ben là, mon Dieu. Big, en tout cas. Oh, c'est bon. Selon le magasin de jouets sexuels et d'objets sexuels CH, OK, à Londres, ça s'appelle CH, SH point d'exclamation CH, sûrement CH, peut-être CH, ouais, peut-être quelque chose comme ça. 61% des femmes trouvent l'idée d'acheter un objet sexuel attirant, excitant. Ils trouvent ça excitant d'acheter un objet. 61%. Juste le fait de l'acheter? Le fait de l'acheter. Ah oui. Intéressant. Encore une fois, selon Glamour Magazine, un homme sur quatre éteint la lumière pendant les relations. Ça veut dire que trois hommes sur quatre laissent la lumière allumée ou au moins une veilleuse. C'est une petite lampe. Pourquoi pas? En 2005, Kenneth Pinion est mort après avoir reçu, OK, par la porte en arrière, un étalon. Ah oui, ouch. J'ai déjà entendu parler de ça. Kenneth Pinion. C'est vrai? Moi, ouais. Ouais, en 2005, c'est quand même récent. Il y a, comment on appelle une maison de débauche, là, un brothel? Un bordel? Un bordel, voilà. À Prague, où les services sont gratuits, complètement gratuits. Tu peux faire ce que tu veux là-bas gratuitement. Par contre, mais il y a un big butt, un gros mais, ou une grosse paire de fesses. Moi, je pense. Il y a un stream vidéo de tout ce qui se passe dans le bordel sur leur site web. Ah! Mais tu sais, en entrant, tu payes pas, c'est gratuit, mais ça va être diffusé sur Internet. Il y en a que ça doit exciter. Justement. Ben oui, c'est un bon dé, je pense. Bon dé. en Jamaïque, oui, il y a une danse érotique qui s'appelle le daggering. Ça a été banni à la télé après avoir cassé des engins masculins. En fait, c'est une danse tellement frotteuse là, que des gens se sont cassés. Là. Ouch. Le daggering, il y a des vidéos sur YouTube. Une fracture du sexe. Exact. Ça doit faire mal. 60% des hommes en Inde, okay, sont trop petits en bas pour un condom standard. 60% des gens. Tout sûr en Inde. 60%. C'est pas mal. Steph, t'as tellement l'air déçu. Ben, jusque-là, t'apprécies beaucoup. Je trouve ça triste là, pour eux. Là. Ouais. Mais. Ouais. C'est ça. Connaissez-vous l'hybristophilie? Mais dis-nous en plus. Qu'est-ce que ce serait hybristo, François? Voiture hybride, ouais. Ouais. Donc, c'est le syndrome de Bonnie and Clyde. C'est être allumé sexuellement, OK, en ayant des relations avec un meurtrier ou un tueur en série. Libristophie. Ah, c'est ça l'espèce de fantasme là, d'être violé. Ça ça doit. Ça, il y a plusieurs catégories. Non, ça, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est vraiment d'avoir une relation sexuelle avec un criminel. Tu le sais, là, tu le sais que tu es déjà. Okay, un bad boy. What you gonna do when they come on you? J'imagine. C'est semblant. C'est vraiment poussé. bad boy, what you gonna do when they come on you? Okay. En Grèce antique, le terme commun pour un blowjob, on va dire en anglais, c'est moins vulgaire, on dirait. Ben oui. C'était jouer de la flûte. Jouer de la flûte. Jouer du pipo. Du pipo! Ah, c'est cute. En 1902, la compagnie Hamilton Beach a breveté le premier vibrateur électrique disponible à la vente. C'est le cinquième appareil électroménager, si on peut classer ça dans la catégorie, à avoir de l'électricité. Leur cinquième appareil électrique électroménager. Ah, oh, c'est cool. Hey, je pense que c'est la marque de mon malaxeur. C'est ma cafetière, donc fais attention à ce que tu fais avec ton malaxeur. Ah, c'est peut-être la même technologie qu'en 1902 dans ton malaxeur. Ouais, c'est ça. Ça fait juste comme tourner brasser et puis faire de la purée. C'est tout ce que tu veux de ça. En Italie, à la Renaissance, le mot diletto, voulant dire délice, delight, est devenu plus tard un autre mot commence par D, mais qui finit par O, puis un I, un L, puis un D entre les deux. OK. On se comprend? Je sais pas du tout. Donaldo! On parle beaucoup d'objets aujourd'hui sexuels dans la chronique King Sexy Time. C'était il y a 30 000 ans, découvert en Allemagne. Le plus vieil objet sexuel. Ouais. 30 000 ans. On dit que les relations, encore une fois, par la porte d'en arrière. Un plus haut risque de transmission de maladies que n'importe quelle autre activité sexuelle. Plus haut risque de maladies. D'accord. Bizarre. On revient en Inde, où c'est moins cher d'avoir des relations avec une prostituée que d'acheter un condom. Ah, ben, coudonc. Moins cher. Je sais pas si c'est moins cher, la ligne. Oui. Les tatous, vous connaissez l'animal, le tatou? Oui. Ouais. C'est l'espèce d'affaire grillée. On dirait que tu pourrais faire de la musique dessus avec un bâton de bois. Donc, les tatous ont 4 bébés à la fois. Ils sont toujours tous du même sexe. Ah. Intéressant. Okay. Intéressant. Les couples en Grèce sont ceux qui ont le plus de relations, environ 164 fois par année. En Grèce. Le pays. Le pays. Oui. En moyenne, les couples mariés ont 58 relations par année. Beaucoup moins que les Grecs. Entre 10 et 12% des femmes aux États-Unis n'ont jamais eu d'orgasme. Entre 10 et 12%. Bon. Les scientifiques ne sont pas certains pourquoi les humains ont du poil en bas, d'accord? Mais leur théorie est que les poils attrapent les sécrétions de phéromones. Donc, et c'est ce qui fait que les odeurs peuvent se propager, j'imagine, ou peut-être moins se propager, mais quand même être présentes. Non, mais ça garde les odeurs. Ça garde les odeurs là pour que quand tu... Voilà. C'est ça. Tu... Ah, ça. C'est ça. D'accord. J'aime ça. Pour éviter, oui, les infections du comment t'appelles ça, le conduit urinaire? Le meilleur urinaire? Peut-être. Ouais. L'efficier recommande de changer de sous-vêtements une fois par jour. C'est le fun, hein? Ah, l'efficier recommande ça. J'étais bien avant... J'étais avant-gardiste, finalement. Ouais, c'est ça. Putain, mais façon de faire. La femme moyenne... Okay. En moyenne. Quelqu'un de bien moyenne. Quelqu'un de bien moyenne. Va porter 6 différentes grandeurs de brassière à travers sa vie, pendant sa vie. 6 différentes grosseurs. Les études ont montré que les hommes trouvent que les femmes drôles sont intimidantes. Ça va les intimider. Ah! Tu sais, c'est comme, ah, là, c'est moi qui est supposé être drôle, pas toi. Tu sois juste cute. Tu peux être plus intelligente, mais pas plus drôle. Je trouve le contraire, en fait. Je trouve ça différent. Moi aussi. C'est vraiment ça. Exact. Les hommes mariés ont plus de chances d'avoir une attaque cardiaque lors de relations sexuelles qu'avec quelqu'un... Okay. Je recommence ma phrase parce que j'ai oublié un mot. les hommes mariés ont plus de chances d'avoir une attaque cardiaque pendant une relation avec quelqu'un d'autre que leur femme. Parce qu'ils se sentent coupables. T'es un peu stressé. Un petit peu. Et boum, boum, boum, pow. Boum, boum, pow, comme diraient les Black Eyed Peas. Partout dans le monde, environ 35% des gens disent avoir eu seulement un partenaire sexuel. 35% des avoir 35. Un seul. Moi, je pense qu'on devrait prendre une pause. On continue tantôt avec encore un peu de King Sexy Time, mais avant ça, on écoute les bébés requins. Oh, les bébés requins! Voici Discothèque. Et les bébés requins, c'est nos auditeurs quand ils étaient jeunes. Ouais. Jadis. Se verre au bar au soir de pleine lune pour danser, mais comme d'habitude cette nuit. danser. Vous tous, explosez la discothèque, dansez. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. François. Ping pong. Toujours à Assemblage Rocky, c'est toujours la chronique Kinky Sexy Time. Mm-hmm. Parlons un petit peu des brassières, encore une fois, sportives. Lorsqu'on porte une brassière sportive, c'est une bonne chose. Quand on n'en porte pas, ça va faire que tes seins vont descendre plus rapidement, c'est prouvé. Oh, ah, oui. Simple, quand même. C'est pour ça que j'investis là-dedans. Oui. Je n'achète des bonnes. Oui. Me donne une chance. Tu fais bien. OK. Des fois, les détails, tu sais, que tu savais pas que tu que allais savoir. Ça. Les premiers condoms de caoutchouc étaient très épais et étaient faits pour être lavés et réutilisés. Oh, ouais. Mm-hmm. En Grèce antique, encore une fois, Cupidon était le symbole de l'amour pédophile. Ça a changé un peu, Cupidon, Saint-Valentin. Ah, okay. Idéalement. Pensez-y si la Saint-Valentin était la fête nationale des pédophiles. L'amour pédophile. Oh, bizarre. Ça vendrait moins de cartes, tu sais. En 1918, parce qu'ils n'ont pas encore leur carte, ils sont tellement jeunes. En 1918, le catalogue Sears mettait en vedette, dans ses pages, des vibrateurs. Et ça disait que c'était un article que chaque femme allait pouvoir apprécier. C'était vraiment dans le catalogue en 1918, c'était très, très... Les gens étaient peut-être moins prudes qu'aujourd'hui. Peut-être, je sais pas. J'imagine que c'était pour ça. Un fœtus... Tu sais, comme on célèbre le jeu de mots, comment fais-tu ça? Ouais, c'est ça. Un fœtus peut ressentir l'orgasme de sa mère. Ah! Ah! Tu vois, peut-être que ça a déjà été dit dans un épisode de Connaître ensemble. Peut-être. Ça me rendra. Hein? Sachant qu'ils allaient avoir des scènes sexuelles dans le film Titanic, Kate Winslet a montré ses seins à Leonardo DiCaprio la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ah ouais. Je peux-tu te dessiner tout nu? Fait qu'elle a fait oui, dude. Cassons le malaise. Oui, mais ça, cassons la glace, ça, c'est super beau. Une église dédiée à l'appareil masculin existe. C'est une église canadienne, croyez-le ou non, qui a aussi des qui a aussi des sessions de... comment t'appelais ça? Crossettes? Crossettes, ouais. Des sessions de crossettes en groupe, régulièrement. À cette église-là canadienne. C'est bien bizarre. Ouais. Dans sa thérapie... Quand je parle mal. Sa thérapie de sex rehab, tu sais, les acteurs ont tous des drug rehab, ils vont en réhabilitation de drogue. Tiger Woods, lui, est allé pour le sexe et on lui a demandé d'écrire le nom de toutes les femmes avec qui il avait couché. Oh my God. 120 noms. T'es sérieux? 120? Combien quand il est encore avec sa femme? Ah, 119. Ouais, c'est ça. Une chandelle est un appareil artificiel, d'accord, qui est très souvent utilisé par les femmes. Pour une chandelle? Une chandelle. Apparemment, c'est très commun. Tu vois, je sais pas ça. C'est on m'apprend des choses. Je m'apprends des choses moi-même, c'est ça que je veux dire. Environ, presque 30% de tout le monde, de la population entière de la Terre, 30% environ sont vierges lorsqu'ils se marient. 30%, c'est quand même un chiffre assez élevé. Encore aujourd'hui. Je trouve. On revient encore une fois, mes enfants sont pas bien dans l'ordre, mais le premier condom, le standard était de 8 pouces. Il s'attachait à la base avec un ruban rose. Oh, c'est cute. Tout le marron, c'est une petite comme boucle. Un cadeau. Petite oreille de lapin, petite oreille de lapin. Dévalue pas, par exemple. Elvis Presley appelait son appareil Petit Elvis. Ah, c'est comme un mini-moi. Ouais, c'est ça, j'allais dire, mini-mi. À chaque année, plus de 11 000 Américains se blessent en essayant des positions différentes, spéciales. 11 000 Américains. Ça, je le suis aux États-Unis. Il y a en ce moment environ 1 million de prostituées femmes à temps plein qui travaillent et seulement aux États-Unis. 1 million. Wow. Okay. Le tsutsumi, savez-vous ce que le tsutsumi? Tsutsumi. Tsutsumi. C'est pas le... T'es en dessous de moi, le dans tsutsumi, en dessous de moi. Non, c'est pas ça? Peut-être. Tsutsumi, c'est l'art japonais antique ou ancien d'emballer son appareil masculin pour l'offrir comme cadeau. C'est l'ancêtre de Dick in a Box avec Justin Timberlake. Oh, wow. C'est ma Dick in a Box. C'est bon, ça. Les Afro-Américains, les Américains noirs et les Hispaniques, ont des relations avant de se coucher plus fréquemment que les Blancs et les Asiatiques. C'est plus commun, j'imagine, nous autres le matin, je sais pas, au retour à la maison, pendant les grandes gueules. Deer, c'est orignal, hein? Je vous demande de l'aide. Chevreuil, ouais. D'accord. Ben, tu vois, moi, les animaux. Donc, les chevreuils mâles vont se frotter les cornes, okay, contre un arbre. Pour attirer sa femelle. Pour se faire plaisir. Ah, ouais. Pour se faire plaisir. Se faire plaisir. Fait que le bois, c'est une zone érogène. Ben, c'est ça. Morningwood, hein? les couples qui n'ont pas de télé dans leur salle à coucher, leur chambre à coucher, ont 50% plus de relations que ceux qui en ont une. Ça, je le crois. Moi aussi. Ouais. Moins déconcentré. Il nous en reste que quelques-uns, on se dépêche là-dessus. De tous les billets de 1$ qui sont en circulation en ce moment, on estime que la moitié ont déjà été dans le G-string d'une danseuse. 50%. Ah, cool. Ah. Environ 25% des mâles américains ont eu un contact sexuel intime avec un autre homme pendant leur vie, donc le corps des hommes. Le corps. Le corps. Body, moi. 40% des femmes ont dit avoir eu un orgasme en rêvant d'hommes. Okay. Alors que le chiffre est 80% pour les hommes d'avoir rêvé à un homme. 80%. Ah. Okay. Hein? 66% des propriétaires d'animaux de compagnie permettent à leurs animaux de rester dans la chambre à coucher pendant les relations. Hein? Ah non, jamais. Ah oh, mon Dieu. Je ne peux supporter un tel regard. On conseille des chiffres encore. Ouais. Non. Voilà, c'était un chat. Non. C'était un chien. Non. Ouais. Non. What's new, pussycat? Wow. 78% des femmes qui utilisent des objets sexuels sont dans une relation. Déjà, 78%. Une femme va passer environ 3500 jours de sa vie à être menstruée. 3500 jours. Oh my God, c'est une perte de temps. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou, Red. OK, on a déjà parlé de ça, mais juste un petit détail que j'avais pas dit. Cléopâtre a utilisé un des premiers vibrateurs au monde. C'était un petit contenant, un bocal avec des abeilles à l'intérieur. Parce qu'on avait déjà parlé que c'était des abeilles, mais ça ne mentionnait pas que c'était dans un bocal et que c'était le bocal qui donc vibrait. C'est fun, hein? Ah, c'est bizarre. Cléopâtre. Ouais, c'est bizarre. J'aurais ben trop peur que le petit bocal se brise. Ouais, c'est ça. Puis que les abeilles se répandent. Oh mon Dieu! Celui-là, je vous laisse aller le lire sur assemblagerequis.com. Des fois, je sais que je dépasse déjà des limites pour certains gens, mais celle-là, il y a vraiment beaucoup. Ben là, tu m'intrigues beaucoup. Non, mais assemblagerequis.com, c'est d'un dernier, tu sais. La chronique King Sexy Time du mercredi 16 janvier. Ça va? Okay. Non, mais c'est trop. L'homme moyen a 11 érections par jour et 9 par nuit. Celui-là, c'était déjà 20 par jour. 20 par 24 heures, exactement. Ça arrête plus? Les femmes ont un équivalent du Morning Wood dont on parlait tantôt. Ils ont des... pendant leur sommeil, REM, là, Rapid Eye Movement, là, pendant cette phase-là du sommeil, ils ont aussi ce qui est équivalent un peu à un Morning Wood, mais pour la femme. C'est juste un peu moins apparent. Ça. Un peu moins. 80% des gens qui ont trompé leur copine ou leur femme disent que la personne avec qui ils ont eu une relation était moins belle que leur partenaire. Je sais pas si c'est pour se sentir moins coupable. Probablement. C'est moins grave, c'est pas aussi belle, ça. 21% des gens pensent que c'est correct de rompre via Facebook. Hein? Combien? 21%. Quelle génération de merde! les brassières n'existaient pas avant 1913. À l'origine, c'était deux mouchoirs. C'est des mouchoirs de tissu, là. Bon, attachés ensemble avec un ruban. Les rubans, t'es bien à la mode, hein? À cette époque-là. La Barbie Teacher Barbie Professeur a été rappelée par la compagnie en 1995, par donc Mattel, parce qu'elle n'avait pas de sous-vêtements, ça a causé une controverse. Teacher Barbie. OK. Samantha Ardente Barbie. Barbandante. Les hommes mariés changent de sous-vêtements deux fois plus souvent que les hommes célibataires. Ça doit être leur femme qui les... Ouais, c'est ça. Parce qu'ils font le lavage, fait comme... Ah, oh, ils ont tout le temps des propres. Ça fait longtemps que t'as les mêmes bobettes, chérie. Ah, OK. Et environ 10 milliards, 10 avec 3 groupes de zéro après. Condoms masculins sont utilisés par année partout dans le monde. 10 milliards. C'est bien ça, parce que 10 millions, ce serait juste 3 fois. Ouais, c'est OK. 10 milliards. 10 milliards. Voilà pour King Sexy Time. Ça finissait pas, ça. Non. Hein, vois, personne ne répond finisse. Parce que c'est ça. Faut pas que ça finisse. Non. C'est triste, hein? On veut pas que ça finisse. Mais non. Surtout que là, tu t'es censuré en plus. En plus, hein? Ben, si je compte, il est vraiment, vraiment proche de la fin, là. C'est juste avant celui qui a des 11 érections par jour. Juste bon. Avant. C'est, okay, allez-y. C'est Adrien. C'est là. Dépêche-toi d'aller en musique que j'aille voir, là. C'est ça. De pas en ondes, là. Au retour, la chronique de Stéphanie Paradis, Les Petits Bonheurs. Pour l'instant, Run with the Kittens. Weight, oh, cool, of the world. Ben, mais un assemblage requis, hein, François? Ben oui. 11 directions par jour. 9 la nuit. Oh! 9 la nuit. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Je vais prendre les présences. François-Louis Marchand. Mathieu Plante. Présent. Il n'y a rien compris. Présent. Mathieu Plante. D'accord. Annabelle Maton? Présente. Mm-hmm, Stéphanie Paradis? Je suis là. Mathieu Plante, le professeur, tu peux pas parler au professeur juste en disant hey, Mathieu Plante. Dis Monsieur Plante. Monsieur Plante. Hey, moi, avec que je t'appelle Monsieur. Moi, je t'appelle Madame, tu sauras. Madame? Par Facebook, j'ai dit à quelqu'un, Madame Paradis m'a dit que... Ah! Hey! J'aimerais mieux Mademoiselle. Ça te fait comme sentir full vieille. Ouais, Madame, là, on dirait que j'ai une poignée à quarantaine. Bah! Je suis pas prête à ça. Aimes-tu mieux dictatrice en chef en nombre? De quoi? Dictatrice en chef, je peux-tu le dire en nombre? Ben écoute, lâche-toi lousse. Parfait. Madame la dictatrice en chef du journal Zone Campus. Aux deux semaines, à la place de faire ta chronique Zone Campus, comme on la connaît si bien et qu'on l'apprécie tant. Hein? Merci. Ah oui. Ouais. Aux deux semaines, tu vas aussi faire, entre ça, les petits bonheurs. Les petits bonheurs. Je pense que ça mérite une petite intro, hein? Oh. Oh. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la housse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. Je pense que vu que c'est la première fois, on peut la rire. L'important, c'est ton bras. Non? Ouais. Je l'aime, ma toune. Ben oui, bravo. On la repart. Non. Là, je suis de bonne humeur. Là, je suis heureux. Je suis recrinquée, repimpée, pimpante et popée. Popée, hein? C'est pas pire. Donc, les petits bonheurs, qu'est-ce que c'est, Stéphanie, madame la dictatrice en chef? Ben, pourquoi les petits bonheurs, hein? Ben, parce que je trouve qu'on chiale beaucoup plus facilement qu'on souligne les petites joies de la vie. Ouais. Mais là, je dis pas ça pour accuser personne, parce que, personnellement, je suis une chialeuse invétérée. J'adore chialer. Ah oui, Annabelle, est-ce que tu as un témoignage à faire? Ah, mais plusieurs, mais pas en nombre. OK, merci. Il y a de la censure aujourd'hui à cette émission-là. C'est... Bref, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui me titillent et qui me dérangent. Donc, justement, étant donné que je suis une grande chialeuse, je ressens le besoin d'équilibrer les choses et de souligner tout ce qui peut me rendre heureuse dans la vie. C'est comme une affaire de comment t'appelles ça, là, tu sais, de c'est quoi le mot, là? Ben mon Dieu, je sais pas trop si tu t'en vas avec ça. C'est une bonne question, ça. Colin, quand tu fais quelque chose de bien pour espérer avoir quelque chose de bien en retour, là. Profiter des gens. Du karma. Non, le profiter des gens. Tu vas là, toi, tu fais, hein? Profiter des gens. Hein? Mais... Alors. OK. Laisse donc faire. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, avant notre départ pour les vacances des fêtes. Vaguement. J'avais parlé des petits bonheurs de ma vie de célibataire. Oui. Donc, ne pas être obligé de trier mes chips, dormir au milieu du lit et avoir tout l'amour du chat. Trier tes chips? Trier tes chips? Moi? Ah oui, elle a dit ça. On dirait que je comprends pas. Mais ton sac de chips vient avec plusieurs sortes de chips dans le même sac. Ben, les Partemix, c'est ah, ça? Ouais. Ah oui. Les munchies. Mais c'est pas des chips, c'est des bâtonnets de fromage, des bretzels, c'est des catégories différentes. C'est pas, ah. Moi, chips, c'est comme une catégorie généraliste qui englobe les grignotines salé qui viennent en sac dans les dépanneurs. Donc, ce matin, je vais vous parler des petits bonheurs d'une chambre d'hôtel. Pourquoi? Est-ce que t'es allé dans un hôtel pendant les fêtes? J'imagine que c'est de là que ça vient. Ben oui, moi oui, je suis allé à l'hôtel et l'anecdote va suivre dans la chronique. Hey, donc, oui? En fait, dans les chambres d'hôtel, ben plus peut-être de motel dans le tel, il y avait des lits vibrants. Ah oui! Combien ça coûtait, ça? 25 sous, je pense. 25 ou 50 sous. Vous avez jamais entendu ça? Non. Ben, en fait, moi, j'ai déjà vu un sketch que c'était un lit vibrant, puis ils se sont rendu compte que c'est parce qu'il était plein de coquerelles. Okay. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai cette image-là présentement. Basé sur un fait vécu. Je sais pas, hein? Je pense que c'était des petits bonhommes un peu trash qui passaient genre à Canal Famille. Ah, ça se peut ouais, vraiment bon. Peut-être plus à Teletoon. Peut-être que c'est Teletoon, Canal Famille. Peu l'idée derrière Oggy et les cafards. C'est ça que j'allais dire. C'est peut-être comme Oggy et les cafards. C'était vraiment bon, souvenir, ça. Hein? Souvenir. Ça, c'est un petit bonheur. Oui. Ouais. Donc, on va commencer avec mon premier petit bonheur de chambre d'hôtel, l'eau chaude. Ça a l'air niaiseux, là, mais... À perpétuité. J'ai pas ça à la maison, moi, là. Chez moi, ben, en fait, parce que chez moi, je paye l'eau chaude. Ah. Fait que je me permets pas vraiment de paraisser longtemps dans la douche. C'est vrai, je me rends pas compte de ça. On en profite tous dans la douche sans réfléchir au fait que ça coûte bien cher quand ben, c'est ça. Mais là, à l'hôtel, je pense que c'est difficile de vider la tank à eau chaude, là. Ça sonne un peu comme un défi, là, mais je pense un peu environnemental. Mais disons que j'en ai vraiment profité. T'es à l'hôtel, puis tu fais comme... en dessous de l'eau pendant 20 minutes, 30 minutes. Etc. 30 minutes, ça commence à être pas pire. Pas pire long, ça. T'es ratatiné pas mal, hein? Ouais, c'est pas grave. T'es à l'hôtel. T'as le droit d'être ratatiné. Ben, ouais. Dans la même lignée, on a aussi l'aventure trouver comment fonctionne le robinet de la douche. Parce que moi, j'aime les challenges puis les puzzles. Puis il n'y a jamais un robinet qui fonctionne de la même façon. Tu sais, tire, pousse, tourne, fais un backflip. Là, les possibilités sont infinies. Fais backflip. Puis moi, je me sens comblée et compétente quand je suis capable de trouver le degré de température idéal avec des robinets louches. Ah oui. Ouais. Hein? C'est pas facile, ça. Est-ce que tu fais un petit effet sonore à la Zelda, là, genre quand tu réussis? Ta-ta-ta-ta! Genre? Ah oh, oui! Non, non, pas vraiment. Non. Genre, la lumière petite aura, ouais. Ben oui, quand Link lève les bras comme ça, puis il y a comme l'espèce de triforce puis tout tourne. Ça. Ah ouais. C'est le triforce, ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, on est geek. Hein. On est ah la triforce, ça c'est moi, Mathieu et Maxime au palmarès. C'est vrai. Oui. On s'appelle comme ça maintenant. La triforce. Les jeudis cool. À 15h. C'est gay cast. Ouais. OK. Ouais, continue ouais. C'était. On s'emporte. Un autre petit bonheur, descendre déjeuner au restaurant en pantoufles. Restaurant de qualité, toujours. Non, non? Pas vraiment. Mais on s'en fout, on est en pantoufles. Donc, le fait d'aller dans n'importe quel endroit public, en fait, en pantoufles, je trouve ça vraiment cool. Puis là, on a une excuse pour le faire. J'ai, par contre, pas encore été game d'y aller en pyjama, tu sais, genre un One Piece avec ta petite trappe sur les fesses. Là. Un snuggie. Peut-être un défi éventuellement, là. Il y a aussi le fait que moi, personnellement, tout ce qui me rappelle mon enfance, ben, ça me rend heureuse. Puis ça me fait penser à l'époque où moi et ma mère, on habitait au-dessus d'un restaurant. Puis ça passait à l'intérieur pour descendre dans le restaurant. Fait que là, par exemple, ma mère faisait préparer genre des frites, puis moi, j'y allais en pied de bas, puis j'aimais ça. C'est là. Malade, ça, vivre au-dessus d'un restaurant de même, avec la porte, l'accès direct. Ah, c'est vraiment cool. Vrai. Je descendais les escaliers, puis « Hey, salut! » Tu sais, tu le connais comme un peu trop, le gars qui est là, puis je m'en viens chercher les frites à maman, puis... Ouais, c'est ça, c'était cool. Tu descends, tu perds des calories, tu vas chercher ta bouffe, tu remontes, tu perds des calories, tu sais, ça compense. En fait, j'avais pas vraiment la conscience des calories, j'avais genre comme 7-8 ans. Ah, c'est pas inné chez la femme, j'étais sûre. Non, ben à 9 ans, non, j'étais pas rendu là, c'est ça. Moi, je mangeais des frites. Ensuite, le grand classique, ne pas faire son lit. Ben oui. Hey, tu sais. Femme de ménage? Mais, tu sais. J'ai interrogé des amis sur le sujet, puis c'est vraiment ce qui est ressorti majoritairement. Mais je vais être honnête avec vous autres, mon lit, je le fais pas chez moi non plus. Nah. Mais là, juste le fait de savoir que quelqu'un va le faire à ma place, on dirait que ça va décupler le sentiment d'ivresse que ça va, va engendrer mon non-faisage de lit, tu sais. Ben, chez nous, il y a juste personne qui le fait, mais là, je sais qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour moi. Est-ce que c'est vrai, tu sais, on entend souvent parler que dans les chambres d'hôtel, il faut que tu demandes à ta femme de ménage de soit rentrer tes draps ou pas les rentrer, dépendant comment tu veux tes pieds fit dans le lit, t'sais? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben non, mais t'es pas là quand elle fait la chambre, de toute façon. Non, tu peux pas lui dire avant, tu sais, moi, je veux que mon lit, tu sais, les couvertures soient pas rentrées. Ben, enlève-les tout seul! Ben, c'est pas ma job! Hey, oh mon Dieu! OK. Bon. Mais là, ouais, parfois, tu sais, je pense à ça, le fait que je fais pas mon lit, puis je me sens coupable d'être une adulte qui fait pas son lit, on dirait. Ouais, c'est ça, tu donnes pour boire pareil. Mais non, mais je parle chez moi. Ah. Tu sais, on dirait que c'est pas normal, un adulte qui fait pas son lit. Mais oups. mais c'est parce que j'ai l'impression que pour faire son lit, ça prend un beau set de lit. Moi, je me dis, le jour où je vais avoir des draps, une douillette et des coussins qui fit, je vais faire mon lit. Mais là, ça reste à confirmer. Là, mais si t'es pas habitué de le faire, tu le feras pas plus. Je sais pas, peut-être que je vais avoir envie que ce soit beau, étant donné que je vais avoir investi dans quelque chose de beau, tu sais. Ouais, ça change pas grand-chose. Mais tu sais, je pense aussi à l'avenir, le jour où je vais avoir des enfants, comment est-ce que tu feras d'autant moins ton lit. Mais non. Je te le garantis. Non, mais éventuellement, comment tu peux les convaincre, les obliger à faire leur lit si toi-même, parent, tu ne fais pas ton lit? Non, en même temps... Ferme ta porte. ou ça peut devenir une tâche ménagère. Les enfants, c'est votre job de faire le lit à papa et maman. Ouais, c'est ça. Fait que ça va les dompter. Ils trouvent des choses un peu bizarres autour. Là. Ouais. François, il y en a fait deux, comme ça, ils peuvent prendre les deux, la couverture chacun de leur bord. Puis allez-y ensemble. Ouais, c'est bon, ça, vous, le travail d'équipe. Mais je trouve pas que c'est une valeur excessivement importante de faire son lit. Lave tes dents avant de faire ton lit, mettons. Oh, ouais, oui, il y a des trucs bien plus importants que ça, selon mais moi. Mais tu sais, pour moi, c'est comme pas important. Et je considère que se coucher dans un lit d'effet, c'est beaucoup plus confortable que dans des draps toutes lisses. Moi, j'aime ça, dormir en moton. Ça dépend. Quand ils sont propres et ton lit vient d'être fait, c'est relativement satisfaisant. Non, moi, je lance les couvertes propres. Annabelle est d'accord. Donc, c'est du deux contre mettons, deux. Comme la première fois, tu sais, comme tu fais ton lit est propre, c'est satisfaisant de coucher dedans. Mais après, les draps en moton, écoute. Oh, ils sont encore chauds, là, de la vie. Ouais. Ah. Moi, mes draps sont tout en fret. Bien ça. Moi, il faut que je réchauffe le côté de ma copine le matin. Donc, le soir, suite le matin. Le soir, ouais. Non. Attends un peu. Je me couche avant, du coup. Ouais. Faut parler de ça. Ouais. Tu te couches avant? Oui, je me couche avant de son côté. Mais non. Très chaud, tu sais. Ah, oh, mais moi, j'aime pas ça dormir sur une place déjà chaude. Mais moi, j'aime pas ça dormir sur une place déjà chaude. J'aime mes draps frais, tu sais, c'est comme... Non. L'été, oui. L'hiver, non. Non, non, j'ai... Hey, ça tente, tu peux venir réchauffer. Avec plaisir. OK. Où j'étais rendue? Ah oui. Dormir dans une chambre d'hôtel, t'as l'impression d'être en vacances. Oui, puis coucher avec la femme de ménage aussi. Ça, ça le dit pas? Non, moi, ça m'intéresse pas de dormir avec la femme de ménage. Non. Mais tu sais, il parlait de coucher et non dormir, genre. Peu importe. La femme de ménage ne m'intéresse pas. Okay. Tu l'as même pas vue. Tu juges vite, tout. Je juge vraiment vite. T'as même pas idée. Donc, peu importe où tu es, peu importe où tu vas, peu importe pourquoi t'es là, être à l'hôtel, c'est comme des vacances. Puis là, je vais raconter l'anecdote de quand j'ai écrit cette chronique-là. J'étais à l'hôtel quand je l'ai écrite. Donc, j'étais avec ma mère, puis on partait de la Gaspésie pour s'en venir à Trois-Rivières. Mais la température était pas super, la route était glissante. Mais quand tu t'es levé tôt, puis tes bagages sont faits, que t'es déjà parti, t'as vraiment pas envie de revirer de bord. Fait que là, oui, tu sais, j'étais contente d'être avec ma famille, mais à un moment donné, tu sais, t'as hâte de retourner dans tes affaires. Donc, j'étais vraiment frustrée à l'idée de pas pouvoir me rendre chez moi. Mais là, quand ma mère a soulevé l'idée d'arrêter dormir à Rimouski, j'étais totalement enchantée. T'sais, j'ai vraiment changé d'humeur. Puis pourtant, t'sais, Rimouski, c'était juste à 2 heures de chez mes parents. Puis j'ai habité là 2 ans. Fait qu'il y a vraiment rien. Ouais, il y a vraiment rien d'exotique là-dedans. Là. Mais moi, je jubilais juste parce que j'étais à l'hôtel puis que je me sentais un peu touriste. T'sais, touriste dans la ville où t'as déjà habité. C'est bizarre, mais c'était cool. Ensuite, OK, vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, là, mais un petit bonheur pour moi. Merci. C'est la Bible. OK? Parce que c'est cute. Je suis pas croyante, mais c'est vraiment une tradition. Une tradition qui me fait sourire. Dans la table de chevet. Oui, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça étrange et intriguant. C'est normalement une des premières choses que je vais voir là, quand j'arrive dans la chambre, c'est d'aller voir dans la table de chevet s'il y a une Bible. Ben, c'est un best-seller, tu sais que c'est bon, ça. Mais ça va être appelé à disparaître, nous. Ben, dans quelques années, écoute, il y en aura plus justement, j'ai fait une petite recherche, je me suis demandé pourquoi la Bible, d'où ça vient cette tradition-là, puis pourquoi c'est toujours pratiqué. Eh bien, sachez, messieurs et madame, que le phénomène n'est pas unique au Québec. Ça s'étend vraiment à la grandeur de la planète. Aux États-Unis, oui. La planète au complet. OK? Bibles partout. Ben, c'est pas la Bible, mais c'est le Coran, un truc comme ben, ça. Ben, tu sais, c'est... Ouais, non, ben peut-être dans la chrétienté, là, je sais pas exactement... L'équivalent, mettons. C'est ça. Fait que le phénomène a commencé aux États-Unis au début du 20e siècle. Puis j'ai appris par le fait même que c'est pas réellement une coutume si on le prend dans le sens de quelque chose qui est passé dans les mœurs d'une collectivité. En fait, c'est l'association chrétienne d'origine protestante des Gédéons qui a commencé à distribuer des Bibles dans les hôtels, puis ensuite dans les prisons, les écoles, les hôpitaux. C'est pour ça la Gideon's Bible, c'est la version Gédéon de la Bible. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que ça, c'est un groupe religieux constitué de laïcs occupant des postes à responsabilité. Donc, comme des hommes d'affaires, des cadres, des enseignants et des membres de professions libérales. Puis ils se veulent être des missionnaires, de là la distribution des Bibles. Puis pour ce qui est des propriétaires des hôtels, c'est leur choix personnel d'accepter les Bibles que le groupe offre. Donc la plupart disent qu'ils veulent poursuivre la tradition. J'en compte une tradition. qu'ils veulent poursuivre la tradition. Et que de toute façon, ils n'ont jamais reçu de plainte de clients parce qu'il y avait une Bible dans leur chambre. Fait qu'il y en a qui trouvent ça le fun de continuer ça. De toute façon, ça fait. T'as le choix entre super écran et la Bible, c'est du divertissement. Ouais, c'est ça. Le choix est très dur. Ouais. Puis, tu sais, ils en reçoivent vraiment encore à chaque année des Bibles. Puis, il y en a qui vont les mettre de côté puis les garder parce qu'il y a des clients qui partent avec. Fait qu'ils peuvent en remettre une autre. Mais est-ce que tu penses que c'est fait, entre autres, pour, tu sais, mettons, les chambres d'hôtel, ça doit être fréquenté pas mal par, bon, tu sais, des hommes qui vont justement aller tromper leurs femmes, des trucs comme ça. Peut-être que ça pourrait les remettre sur le droit chemin, entre guillemets. Ah, je suis pas sûre que ça fonctionne. Non, hein? Je vois vraiment pas, genre, un gars rentrer que sa maîtresse une chambre d'hôtel, voir la Bible, faire comme, ah oh, non, je m'excuse, je peux pas. Mais pourquoi viser les. Vas-y. Mais de toute façon, qui est-ce qui ouvre sa table de chevet dans la vie à l'hôtel? Ben, moi. Clairement. Ah, ben, ouais. Ça dépend. Si t'es là vraiment longtemps... Ouais, c'est ça. Tu peux t'installer, puis tu sais, tu peux sortir les vêtements de ta valise, les mettre dans un tiroir. Mais tu sais, à la place, si tu remplaçais la Bible par, mettons, tu sais, Fifty Shades of Grey, hein? Oh, mon Dieu. Ça va être bon, ça? Non. Non? Non. Pourrais mettre de l'action dans l'hôtel? Hein? Ben, t'as pas besoin de mettre du vanrice, mettons. Ouais. Comme s'il n'y avait pas assez de taches partout sur les draps et les matelas des hôtels. Donc, oui, dans la chambre d'hôtel que j'ai visitée, donc il y avait une Bible dans le tiroir et je regardais, j'étais curieuse, c'était vraiment les Gédéons, puis je trouvais ça bien cool. Un autre petit bonheur qui me plaît beaucoup, juger la décoration. Ça change rarement, ça. Sérieusement, là, la décoration est souvent très douteuse dans les chambres d'hôtel, mais on s'entend que je me tiens pas dans les 5 étoiles non plus, là, tu sais, avec les grands lustres. Les motels, c'est pire, ouais. Ah, il y a des hôtels aussi, tu sais, tu rentres là, puis c'est souvent beaucoup trop fleuri, beaucoup trop brun et beige, beaucoup trop années odorant, 90, là, ouais, beaucoup ouais. trop quétaine. Oh, il y a du tapis. Comme les anciens McDo, là, tu sais. Ouais, c'est rose et mauve et bleu. Ah, yark. Fait que, hey, j'ai déjà pogné une chambre d'hôtel, OK, il y avait un cadre qui montrait les différents nœuds marins. C'était super instructif, mais c'était quétaine. Pour le sexe, oui, c'est peut-être instructif. Ça va faire. Puppetry of the penis. L'origami, il n'y a pas le jeu de moi. Ah, ouais. Oh, ben tu reviendras. Pense-y, puis... Origami, mais ça existe ah, déjà. Ah, ouais? Ça existe déjà. Ben, écoute, pense-y, puis tu reviendras là-dessus. Okay. Ensuite, les échantillons de produits d'hygiène. OK. Ben oui. Gratuit. Hey, les mini savons, wow. Des bébés shampoings là. Puis là, je me demande tant oh, lequel il va y avoir parce que ça change de chambre en chambre, tu sais, puis on peut juger du niveau de l'hôtel avec les produits qu'ils donnent. Tu sais, de base, t'as le savon, t'as le shampoing, le bonnet de douche, mais des fois, ils se lâchent lousse, puis t'as du rince-bouche, puis des fois, t'as même des mini kits de couture si tu perds un bouton. C'est vrai. Ah, ça, c'est vraiment trop cool, ouais, le mini trucs, kit de couture. Des trucs pour laver tes souliers. En fait, pour ah serrer ouais? tes souliers. Ouais. Dans quel hôtel tu le tiens, man? Un comfortable. Ben, tu sais, les pastilles rondes, vous avez déjà vu ça? Ah, ben, pas à l'hôtel. C'est pour pisser dessus, ça, dans ce pas. Ben non, j'ai jamais vu ça. Okay. Pas d'une chambre là, d'hôtel. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Des peignes aussi? Des ouais. Peignes ouais. à moustache, peut-être? Non? Aussi, non? Un petit peu. Tom Selleck. Oui, c'est sûr qu'il y a besoin d'un peigne. Donc, on peut aussi juger les chambres d'hôtel avec les services disponibles. Tu as une robe de chambre, cafetière, Wi-Fi, mini-frigo, planche et fer à repasser, séchoir. En passant, les séchoirs, c'est tout le temps un peu comme de la boîte là, dans les chambres d'hôtel. Ça je tiens à le préciser. Ah, il est attaché après le mur. Ouais. Hein, oui, pour vrai. Je suis jamais dans un hôtel, je dois l'avouer. Donc, hein? Tout me surprend dans ce que ouais. vous dites. Là, ça. Jamais. Ben, écoute, avec ce que je vois... Vas-y donc, en fin de semaine. OK. Ben, avec tu ce m'invites? Que... Non. Tu m'aurais chauffé ton lit, moi. Ouais, OK. C'est ce que je m'en dire. C'est un bon deal, ça. Mais avec ce que je vais dire tantôt, peut-être que ça ne te tentera pas d'y aller. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aucune envie. Donc, finalement, on a le câble. Ben, avant, ça m'émoustillait pas vraiment, hein, ma soeur, que j'ai plus le câble chez moi pour la première fois de ma vie. C'était Tata. Devenu pur délice. Fait que, avant de poursuivre, j'aimerais ça qu'on aille en musique avec une chanson qui me rend particulièrement de bonne humeur. Quand je l'écoute, ça me donne le goût de partir en voiture sur l'autoroute et les fenêtres baissées en plein été. En plein été. Donc, hein? Oui, ouais. L'été, parce que les fenêtres baissées l'hiver, c'est ordinaire. C'est frais. Voici The White Stripes et Hotel Yorba. Cathedral by a priest. 'Cause if I'm the man that you love the most, you can say The White Stripes et Hotel Yorba à Assemblage Requis. C'est la chronique Les Petits Bonheurs. Ah, oh, c'était bon, hein? Mais, Ah, j'aime ça. Remets-la. Non? On repart en musique. C'est pas ça, la radio, on peut pas faire ça du repeat. Ah, je vais le faire chez nous. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, en effet. Une émission du 2 février, il y a quelques années. Allez voir avant. Ah oui, ouais. Cool. Stéphanie, elle l'aime. Donc, Stéphanie Paradis, Les Petits Bonheurs, on parle des joies d'une chambre d'hôtel aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je voulais savoir, vous autres, c'est quoi la première chose que vous faites quand vous rentrez dans une chambre d'hôtel? Quand vous... Ben, Mathieu peut pas répondre. Tu jettes sur le lit. Mais évidemment, ouais. Le couvre-lit, on le sait, il est rempli de sperme. Mais exactement. Mais on s'en fout. En tout cas, pas exactement. Moi, ça... Je te suis. Mais comme à pieds joints, genre. Ah, OK, ouais. Ensuite, il est habitué à avoir les deux sperme dans son lit. Non, non, tu pètes sur le dos. Tu sais. Écoute, c'est un plaisir. Ben, exactement. Donc, se lancer sur le lit puis prendre la manette de la télé pour zapper, oui. C'est tellement la pire erreur que vous pouvez faire en rentrant dans la manette de la télé, t'imagines, est rentrée dans quelle chambre d'hôtel? Ouais. Trop loin? Tu sais, c'est parce que là, on est comme dans une chronique heureuse, là, de petits bonheurs. Là, viens pas salir ma chronique, OK? Salir bon. Ton café. Le couvre-lit est assez sale, comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense que quand on va dormir dans le même endroit que tout le monde, justement, c'est légitime de se questionner sur l'hygiène. Donc, je vais vous parler mais un faut peu. Pas virer fou non plus, là. Ah non, mais écoute ça, OK? Ouais. Moi, c'est ça. Il y a une équipe de l'émission Marketplace du réseau anglais de Radio-Canada qui s'est attaquée à cette question. Elle a effectué une série de tests dans environ 18 hôtels de 3 grandes villes canadiennes. Donc, je vais vous épargner les détails de la méthodologie, mais on va se consacrer sur ce qui nous touche réellement, les conclusions de l'étude qu'on pourrait résumer en une phrase qui est « Tous les hôtels ont obtenu des résultats préoccupants, quel que soit le prix qui en coûte pour y séjourner. » Donc, dans tous les hôtels, on a trouvé des coliformes sur l'une ou l'autre des surfaces avec lesquelles les clients peuvent être en contact et qui auraient dû être nettoyées. Ces bactéries sont des indicateurs de contamination fécale. Fécale! Des bactéries de caca. Mais c'est aucunement surprenant. Là. Non, non, mais... À l'université, toutes les matières fécales sont sur toutes les surfaces. Ben, c'est oui, ça, c'est ça. Ça, c'est supposé être nettoyé. Tu dors. Ben, bon, permets-moi d'en douter. Bon, là. Supposé. T'as pas vu les poignées de porte de la salle de bain? Non, non, c'est ça. Écoute, il les nettoie pas. Puis mais c'est ça. Écoute, des coliformes fécaux, il y en a partout. Ah ouais. Mais partout. Sur ton ordinateur, je suis sûr qu'il y en a. Certainement. Ton iPhone. Mais c'est vrai. Mais, la Bible. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, écoute, ben, il faut pas virer fou, là. Non, mais pour vrai, ils ont retrouvé vraiment des bactéries quand même assez graves. Là. Ils ont trouvé aussi des cas de C difficile. Tu sais, il y a vraiment des trucs... Tu peux être infecté par quelque chose à l'hôtel facilement. Tu peux avoir une maladie. Oui, mais pour vrai, c'est particulièrement... Mais comme partout ailleurs. Comme partout, là, mais tu vas au centre d'achat. Au centre d'achat, j'avoue. Tu sais, les gens oui, non, vas-y. Au centre d'achat, mettons, les gens étaient aux toilettes, les gens touchent à des vêtements, toi, tu essaies les vêtements, vrai. Comme, tu sais, c'est, ouais. Et tu sais pas, et tu peux pas en savoir, et non plus, je pense qu'il faut pas virer fou non plus à tout désinfecter, parce qu'on devient une société quand même... stérile. Aseptisée. Aseptisée, c'est ça. Et puis... Non, mais il y a quand même une limite, là. Non, mais je te dis pas de te baigner dans les coliformes fécaux, là, mais tu sais, mon rêve. Non, t'es cool. Tu fais couler un bain de coliformes fécaux, ça va être assez dégueulasse, là, tu On a des beaux sujets, matin. Belle image. Donc, voici quelques informations troublantes là, qui pourraient peut-être couper le bonheur de certains. Là. C'était pas une chronique heureuse, ton affaire? Ouais. Ouais. Mais t'as le ballon. C'est difficile de pas... Ah, c'est difficile de pas chialer quand même un peu. Donc, moi... Surtout, bon, si vous lisez ces informations-là pendant votre séjour à l'hôtel, genre comme j'ai fait, ça peut couper un petit peu votre bonheur. Donc, entre autres, l'équipe de Marketplace a installé des caméras cachées dans des chambres d'hôtel pour filmer la façon dont on y fait le ménage. Fait que des trucs qu'ils ont vu, par exemple, au Super 8 de Toronto, puis je gêne pas pour donner les noms des hôtels. On voit une femme de chambre marcher à plusieurs reprises avec ses chaussures sur les couvertures et le couvre-lit qui est posé par terre. Mais ça, c'est le genre de truc que tu peux éviter facilement. C'est juste que c'est. Mais s'ils sont par terre, c'est parce qu'ils s'en vont au lavage, non? Non. Non. À Toronto aussi, on a filmé des femmes de chambre du Holiday Inn et de l'Econo Lodge qui, après avoir lavé les toilettes, utilisent le même chiffon ou la même brosse pour nettoyer les robinets de la salle de bain. Ah. Tu sais, il faudrait qu'ils fassent l'inverse. Ben tu oui. nettoies comme le robinet, le bain, puis tu finis avec la toilette, puis tu te débarrasses du chiffon. Ben oui. Mais c'est pas ça qui se passe. Ensuite, j'ai pour vous le petit top 11 des objets les plus contaminés. Donc, en numéro 11, on a le comptoir de salle de bain. Le numéro 10, la lampe de chevet. En position numéro 9, le siège de toilette. Évidemment. Mais c'est quand même pas le pire, ça. Non, non. Le numéro 8, le téléphone. En 7e position, la base des toilettes, comme par terre. Mm-hmm. La cuvette. Oui. Ouais, c'est ça. Ensuite, en 6e, le lavabo. 5, le jeté de lit. En 4, la couverture. Tu sais, tout simplement les draps, là. En 3e, la télécommande. Donc, déjà, pas une bonne idée de. Se l'insérer. C'est... Ah! Numéro 2. Numéro 2, les robinets de salle de bain. Ah, et je pensais dire le numéro 2. C'est ça qui est le plus sale. Comment? C'est le blague de quelqu'un. Ah, mon Dieu. Un gag de bactéries fécales, de coliformes fécaux. Oui, numéro 2, les robinets de salle de bain. Et en première position, le couvre-lit. Donc, de là, la mauvaise idée de se lancer sur le lit pour zapper devant la télé. Là. Puis là, tu manges tes chips au ketchup. Là, puis là tu te liches les doigts. Puis... Détail, hein? Ok, non, c'est un numéro de Patrick Groux en passant qui parle des dégueulasseries à l'hôtel. Là. Donc, moi, j'ai déjà travaillé comme femme de chambre dans un hôtel. Puis ça ouvre les yeux un peu, tu sais. Parce que dans notre routine, on touche jamais au couvre-lit, aux télécommandes, aux lampes, au téléphone. Tu sais, oui, on passe la balayeuse, mais on lave pas les tapis. J'ai aucune idée à quelle fréquence c'est fait, si c'est fait, tu sais. Donc, effectivement, les couvre-lits, ça part jamais au lavage, là. On ramasse les draps, puis couvre-lits, on le remet, là. Wow. Si c'est pas lavé avec les draps, c'est... à la maison, on lave tout le temps le couvre-lit. Il y a un deuxième couvre-lit en dessous pour protéger le matelas. Ben oui, c'est ça. Mais le couvre-lit, c'est peut-être lavé une fois par année. Aïe, puis je suis peut-être généreuse en disant une fois par année, là. Oh. Donc, c'est ça. Fait qu'on va se quitter avec quelques petits conseils pour éviter de se contaminer. Et pour que notre séjour à l'hôtel reste une partie de plaisir, pour que ça reste un petit bonheur. Donc, demandez à voir la chambre avant de payer. Oui. Ben, ça change pas grand-chose. Ben, non, t'as pas de black light sur toi, à ce que je sache. Mais ça peut te donner une idée de l'hygiène, tu sais. En général, de l'hôtel, est-ce que c'est au moins d'apparence propre? C'est ça. Tu sais, des fois, le hall, c'est super beau. T'arrives dans la chambre, puis il y a des mouches. Mm-hmm. Ne pas marcher pieds nus sur la moquette. Puis quand j'ai lu ça, j'ai été pieds nus. Mais tu sur pas, la moquette. Tu voulais pas dire, genre, choisir une chambre d'hôtel qui a pas de tapis, peut-être, non? Ils ont tous des tapis. Oh, ouais. Ça cache les dégâts. Ben ça oui. Ça absorbe. Ben oui. Fait que marcher pieds nus là-dessus, c'est vraiment une mauvaise idée. Tu sais, tout le monde rentre avec ses bottes en plus. Puis en tout cas, ouais. Ensuite, porter des sandales de plastique pour prendre sa douche. Mettre à l'écart le couvre-lit et les coussins décoratifs. Sérieusement, là, je dors jamais avec le couvre-lit. Là, je préfère mourir tes propres de froid. Couvertes, ou? Non, non, mais tu peux prendre les couvertures. Elles sont nettoyées comme dans les hôpitaux, là, c'est quand même en général. Ouais. Tu sais, tu sens les draps, ça sent la même chose que les draps à l'hôpital. Tu dors à temps ou quoi? Parce que je veux dire, le couvre-lit va pas empêcher de toucher au matelas. Non, non, le couvre-lit, la douillette, là, le couvre-lit, pas le drap contour. Ah. Là, le couvre-lit. Ouais, ouais, ouais, la douillette. La couette. Ouais, c'est ça. Fait que ça, tu mets ça à terre, okay. Tu touches pas à ça. Tu prends des gants. Avec des pinces. Ouais, c'est ça. À s'apprendre avec des pincettes. Ensuite, il conseille aussi de nettoyer la manette des toilettes, la poignée de la porte de la salle de bain. La manette de la télé, j'imagine. Ouais, c'est ça. La manette des toilettes. Non, je l'ai jamais trouvé. Non, non, mais ça, c'était... Non, non, la petite... La petite floche, là. Ouais, manette des toilettes, c'était... C'est peut-être un site français un peu La manette des toilettes. Aussi, la poignée de la porte de salle de bain et le combiné du téléphone. Oui. Donc, traînez-vous des petites lingettes. Ah, tu sais, tu vas pas à l'hôtel pour nettoyer, là. C'est ça. Ils sont payés pour ça. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui passent leur temps dans les hôtels. Ça pourrait devenir excessif et voire dangereux. Mais je pense que leurs anticorps se sont peut-être bâtis autour du fait qu'ils sont tout le temps dans des hôtels. Ah, peut-être. Peut-être. Il conseille aussi d'utiliser sa propre gourde pour boire de l'eau parce que j'ai déjà vu... Mais les verres sont emballés. Ben, des fois, ils ont l'air emballés, mais j'en ai vu, ils faisaient juste comme essuyer le verre. Puis tu le remets dans le petit plastique, puis tu rentres le papier à l'intérieur du verre, mais c'est pas réellement scellé. Ouais, mais c'est. Ouais, ça, c'est bizarre, là, ceux qui font ça, là. Ben, non, mais. Tant qu'il n'y a pas grand-chose, c'est un verre en plastique. Ouais, mais souvent, c'est la paresse aussi de la femme de chambre. C'est tellement une job de marbre. T'es pas ouais, mais en même temps, ils ont des verres sur leur chariot, là. Ben. ou ça ben, dépend, j'imagine, ça dépend des places. Ils doivent pas descendre en bas pour aller chercher des... Oui, oui, mais je veux dire, ça dépend des places. Il y en a, mettons, c'est juste des tasses, ils vont les laver. Mais moi, je conseille vraiment pas de boire là-dedans. De ce que j'ai vu, là, de mes yeux vus. Ensuite, ils conseillent même de pas poser sa valise par terre et de la laisser fermer sur une chaise. On a ambitionné. Mais là, je pense que... Faut que là, je pense que là, c'est parce que t'es vraiment rendu dans un hôtel avec des coquerelles, là, puis je suis comme, au pire, va dormir ailleurs. C'est ça. Et ben tout simplement de se laver les mains souvent. Fait que ben finalement les chambres d'hôtel, c'est dégueulasse, elle est pas là. Laver les mains la femme de ménage souvent. Ouais, les c'est ça. Les autres pas de laver. Faut ta surveille puis tu cours en arrière avec ton petit purée. C'est ça. Comment ça? Merveilleux. Merci Stéphanie Paradis. Ben ça me fait plaisir. J'espère que vous allez quand même profiter des petits bonheurs possibles dans la chambre d'hôtel et ne pas trop songer aux coliformes fécaux. C'était vraiment un 75-25 ton petit bonheur, je trouve. Un 50-50. Comment? Pas très heureux à la fin de la carrière. C'est fun, chialage aussi, tu sais. Ben, elle est pas capable de s'en empêcher, non, c'est ça l'affaire. Non, non, non. Chialer, c'est vraiment cool. C'est vrai. Mais oui. C'est vrai. T'avertis les gens, c'était comme un... Ah oh, ouais non mais les gens le savent là que je suis chialeuse là. C'est pas comme si j'apprenais quelque chose à quelqu'un. On t'a là. Déjà entendu à l'assemblage requis dans le passé. Et voilà. Ouais. On fera un autre tout le temps de quoi à un moment donné ensemble. Ben oui, j'ai vraiment plein de trucs là. À la place de faire du kinky sexy le mercredi. On va chialer. Donc on retrouve les petits bonheurs aux deux semaines. La semaine prochaine, ça va être chronique plate zone campus. Je m'excuse. Eh oui, faut bien passer au travers pour pouvoir la semaine suivante faire encore les petits bonheurs. On va terminer la première heure et 10 d'Assemblage requis ici. Tout à l'heure, la chronique de la belle maison qui va la faire en premier. On te devance un peu. Ah ben oui. On va faire « Je t'aime moi non plus ». Tu nous parles de quoi tantôt? Je vais vous parler du point G et d'une autre petite zone érogène plus loin dans l'intelligent féminin. Le deep point G. Le quoi? Le deep point G. Deep G. Kelly G, non-stop, don't stop, never stop. Ah, c'est bon, ça. Au pire, hein? Ouais. Ouais, vraiment. On a aussi David Ferron à la fin de l'émission. On le déplace 8 à 8 heures d'habitude, donc 8h30 pour sa chronique La langue dans ton oreille. Il nous présente la musique Made in France en 2012, mais qui sonne très, très années 80. C'est intriguant quand même, je trouve. Ouais. Sûrement du clavier. Sûrement. Peut-être Kelly G. Saxophone. Il est pas français, Kelly G. Point. Comme dans Peter. Ouais, comme dans Peter. Point. OK. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Ouais, c'est passé plein de choses pendant la pause. J'ai manqué tout ça. Je veux pas me le faire expliquer parce que j'imagine que c'est très explicite. Non, on peut pas l'expliquer. Non. L'expliquer. Par contre, écoute, ça va être un mélange, ma foi, diabolique. David Ferron et Annabelle Maton. Mais là, j'ai l'impression que François essaye de matcher David puis Annabelle. Non, on se passe des affaires. J'essaye là. Pas de les matcher. Ils se sont matchés tout non. Seul. Ah, t'as vu les flamèches. Dans les yeux. Dans les yeux. Les étoiles. Regarde les yeux à David. La complicité est évidente, je pense, dans c'est ce cas-ci. Hallucinant. Mais je m'excuse, David. Annabelle, c'est ma petite rousse cochonne. Hey, Colin. C'est avec... Oh mon Dieu, c'est ma petite possession. C'est mon objet. Ouais. T'es avec elle que tu vas parler de caca à 8h du matin? Non, moi, j'ai fini de parler de caca. On a commencé bien avant 8h à parler de ces choses-là. Hey, est-ce qu'on a une petite musique spéciale pour quand on utilise nos 5 micros en même temps? C'est écœurant. Ouais, je pense que la musique, c'est le buzz en arrière du marteau piqueur. Ouais, je pense que c'est ça la musique. Oui, ça... Donc, on est 5 en studio. C'est très, très rare que ça arrive. On rappelle que Stéphanie Paradis est toujours là. Salut! Annabelle Maton. Bonjour! Qu'on avait dit qu'on a repoussé, mais finalement, ça marche pas. On va te refaire à 8h30 quand même, dans ce coin-là. Ah, ben oui. On a... C'est un copain. David Ferron, excuse-moi. David Ferron. Tu vas faire la langue dans ton oreille dans quelques minutes. Ça va? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Bonjour. Très content de vous retrouver. Content de faire la connaissance d'Annabelle. Hey, c'est une première chronique aussi en 2013. Ouais. Oui. Formidable. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ben ce oui, petit bonhomme-là. Je me sens pas prêt. Puis en plus... Moi, je te sens prêt. Ah ouais? Près de quoi? Près de moi. Ton instinct masculine est vraiment scrap. Je m'excuse de dire ça, François, mais j'ai eu des nouvelles de Gustave. Ah non, pour vrai?

C'est la pièce Pote Michel, le gros méné, sur leur très très très bon album, jusqu'à maintenant Agnus Dei. Assemblage requis. Il est 8h23 minutes. Toujours avec Stéphanie, Annabelle, François-Olivier Mathieu, allô? Tout le monde, etc. David bonjour. Ferron, bonjour. Ça va bien? Ouais. Mais il est déjà 8h23. Le temps file, le temps file. Allons-y avec la langue dans ton oreille. Ouais. David Ferron, bon retour en 2013, bon retour dans le présent finalement. Ben merci. T'es fringant ce matin. Oui, je le sais, j'ai tout fait ça pour toi, François. C'est gentil, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en profitent plus. N'importe quoi. Essayez même pas de comprendre tout ça, ça a aucun sens. Moi non plus, je comprends plus rien. Donc David, t'es là pour ta chronique La langue dans ton oreille. On t'a pas vu depuis la mi-décembre 2012. Oui, exactement, mais pourquoi j'ai appelé ça La langue dans ton oreille? Rappelle-nous ça. Oui, je vais l'expliquer également pour Annabelle. La langue... Je ne comprends pas. C'est pas une chronique de sexe. C'est la première fois que vous voyez, en fait. Ouais. Okay. Ouais. Vous pouvez commencer à vous tutoyer maintenant. Salut. Oui. Ah, ben, enchanté, Madame Maton. OK, en fait, la langue dans ton oreille, pourquoi? C'est que c'était mon ancienne émission qui s'appelait comme ça. Et dans mon émission, La langue dans ton oreille, je présentais des chansons de partout. De la francophonie mondiale. Donc autant en Afrique, en Asie, qu'en Europe, que dans tout le reste de l'Amérique. Donc la langue dans ton oreille, comme la langue française est dans ton oreille. Parce comme que c'est... l'oreille. Oui, c'est parce que c'est une émission de radio tout simplement. J'ai recyclé le nom pour en faire une chronique. C'est très vert. Très vert. Très vert. Recyclage, ouais. Ah, oui. Je suis un peu... Non. Il était concentré, là. C'est normal. David Ferron, donc, c'est ça. Aujourd'hui, ton thème, tu m'as dit que c'était des chansons made in France. Okay? Yes. En 2012. Oui. Mixon, années 80. Oui. Spécial. Ben, non, en fait, vous allez voir qu'il y a de l'influence comme Taxi Girl, qui est un groupe New Wave des années 80. Il y avait notamment là-dedans Mirwais qui produit plus tard Music de Madonna. Il y a de l'influence aussi d'Étienne Dao, qui est comme une espèce d'icône pop française, mais à la fin d'underground. Donc, gros vendeur de disques, mais apprécié des critiques aussi. Donc, il y a beaucoup d'influence là-dedans. Puis, il y a de l'influence aussi du groupe anglais Gossip, qu'on va entendre aussi dans les trois chansons que je vais vous présenter. Cool. Et entre-temps, je vais vous poser pour chacune. En fait, c'est pas relié du tout aux chansons, mais pour ma chronique, j'ai préparé une question. Pour chaque entre chaque chanson, on va avoir une question à répondre, nous quatre en studio. Oui, si vous voulez, vous pouvez être deux contre deux, un contre un, trois contre un. Les équipes sont faites, gars, ça, sont en train de se frapper et se toucher. Wow. Oh, mais ça, on se touche tout le temps. Hey, ça ferait une bonne émission, ça, Two Girls and a Cup of Coffee. Une bonne émission radio. God, digression. OK. Donc, François et moi, équipe? Oh, tag team. Cool, on aime ça, on est tout le temps en équipe. Ouais, bad. On est bon ensemble, je pense. Donc, question 1, tout de suite. Oui, allons-y. Donc, ouais, vous êtes prêts? Main sur les buzzers! Non, pas vraiment. Nous sommes prêts. J'ai essayé de faire le buzzer. C'est le sein d'Annabelle, le buzzer pour les filles. J'espère que je vais avoir une réponse. Tu peux l'essayer, voir s'il fonctionne. Pour les gars, c'est moi qui réchauffe tes draps. C'est bon? Allons-y, question 1. Excusez, je suis comme troublé par cette nouvelle équipe folichonne. Ça arrête plus, hein? Oui, folie. On va prendre Lichon. La langue dans ton oreille. Qu'est-ce que c'est ça? Awkward! OK, je vais essayer de poser mes questions. S'il te plaît, si on veut se rendre jusqu'à la fin de l'émission. Comme un animateur de quiz crédible à V. Donc... Oh boy! C'était le sarcasme. Ouais. Mais d'abord, combien de films réalisés par Denis Arcand durant les années 80 ont été nominés aux Oscars? Okay, oui. Deux? Oui. Ah! J'en ai dit un, mais bravo pour deux. Bon, ben, tu sais, réchauffe ses draps maintenant. Non, c'est lui qui doit réchauffer. Ah! Ouais, t'as répondu. Hey, t'as vu mon enthousiasme? Écoute, j'en perds. Ça s'en vire le son en téléphonie. Wow, et donc... Bravo. comme récompense pour votre bonne réponse, en fait, les deux films, c'est tout simplement Jésus de Montréal et le déclin de l'Empire américain. J'aurais eu le déclin, mais j'aurais pas eu l'autre. Jésus de Montréal, qui est une reproduction de la crucifixion de Jésus, ma pièce de tente. En tout cas, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est... Ça a l'air que c'est bien bon, là. Cool. Donc, comme récompense, on écoute quoi? Aline. Oui, exactement. Aline et les deux hirondelles. En fait, Aline, qui est considérée comme la révélation 2012 et un groupe prometteur 2013. On écoute ça. Assemblage requis. Le quiz continue juste après. C'était le groupe français Aline et la chanson Les deux hirondelles. Très bon, très très bon même. Vraiment, non? Ben, je suis content que tu l'aimes, je savais que t'allais aimer ça. Tu me connais là, comme le fond de ta paume. Oui! Donne-y Mathieu. Ça pas rapport. Fais pas de signe comme ça que ta paume, s'il te plaît. Il donne des coups de poing dans sa paume. Donc, David Ferron, c'est toujours la section La langue dans ton oreille. Et on a deux autres pièces à entendre dans ta chronique sur la musique française de 2012 qui sonne années 80. Oui. On se comprend là-dessus? Oui. Question quiz, encore une fois. Oui, est-ce que vous êtes prêts à vous palper le buzzer? On est prêts. Nous sommes prêts. Toujours. Ah non, sort de ces mots. Ah, ça me fait rappeler des mauvais souvenirs, ça. Déjà, j'aurais. T'as pas les cheveux frisés, toi, c'est ça? Non. Nous sommes prêts. Belle imitation, d'ailleurs. Ouais, ouais. En plus, Annabelle, je suis sûr qu'elle portait des couches dans ce temps-là quand Jean Charest disait ça. Moi, quand Jean Charest dit ça, je porte des couches parce que tout ce qu'il dit, ça me fait chier. Ah, yes! High five! Oh! Contact de peau. Oui, il y a eu un contact. Ouais, en commun, contact de peau. Ça commence comme ça souvent. Kinky! Kinky, sexy. Faudrait que j'adapte ma chronique. Là. Ça s'appellera plus La langue dans ton oreille. Non, mais... faudrait. La langue dans l'oreille à Annabelle. Ouais. Ah, wesh! C'est bien dark. La semaine prochaine, fais-la en bédaine. Ça va accélérer le processus. Tu sais qu'on va être à 5 à toutes les semaines jusqu'à la fin de la session. Donc, ouais, ça, cool. On va s'en porter souvent, je pense. Oui. Donc, David, deuxième question quiz sur les années 80, j'imagine, ou est-ce que tu changes de thématique? Exactement. Quel président français ne l'a pas été durant les années 80? A. Georges Pompidou, B, Valéry Giscard d'Estaing, ou C, François Mitterrand? Deuxième réponse. Oink! non, t'as pas pesé sur le buzzer. Ouais, on regarde tous par là-bas. T'as-tu réchauffé son lit? Ben là, écoute, c'est un peu loin. On n'a pas de lit ici. Ben, t'avais juste à mieux choisir. T'as un sein, j'ai pas de lit, clairement. Le deuxième. C'était non, merde. Moi, j'aurais dit droit de réplique. Oui, droit de réplique. Pompidou, parce que je trouve son nom drôle. Oui! Cool! Mais pas on vous a écrasé comme des larves, tellement. On mène deux. T'en comme des larves, moi. On peut-tu échanger les bases? Non. Oh, Annabelle, sois menacée. Quoi? Sans toi menacée. Non, moi, je la protège, OK? David Ferron aussi va la protéger pour ça. Non, mais tu sais, Steph, on a comme une relation exclusive, alors je n'accepterai pas d'autres personnes dans ce... Ouais. Mais donc, voilà. Récompense pour la deuxième question. Oui, ben, fais juste une partage. Georges Pompidou a régné sur la France, ben, régné, c'est une manière de parler, de 71 à 74. Pourquoi 3 ans? Parce qu'il est mort durant son mandat. Il est mort de quoi? Je me rappelle plus, ça a l'air de... Ah, c'est le papa de l'éléphant. C'est un callback à Vlaloin, ça. Mais quand, ouais, quand même. Mais là, on va écouter une autre chanson. Ça s'appelle La forêt de Lescaut. On écoute ça. Dans Assemblage Requis, c'est la langue dans ton oreille. Et puis après ça, une autre dernière question quiz. Oui! C'était La Forêt de Lescaut, qui vient du groupe Asile, qui est un groupe punk rock. Punk rock? Ça sonne pas de même. Non, ça sonne non pas c'est ça. C'est toujours comme ça. À un moment donné, quelqu'un qui veut faire carrière solo, ben, des fois, il fait ses expérimentations et ça donne La Forêt. Mm-hmm, ben c'est très bon, c'est aussi encore un bon choix. Ouais. Il reste une troisième pièce à entendre tout à l'heure, mais avant ça, question quiz. Oui. Ah, excuse-moi. Et voilà. Ça ben, part ça, ça fait. On espère. Bon, là, à date, c'est les gars qui gagnent, pas choix parce que c'est un 2 de 3, mais peut-être que les filles vont pouvoir équilibrer un petit peu plus. Au moins. Bah, c'est pas grave, au moins, j'ai le droit de poigner Saint-Annabelle. Même si je perds. C'est le buzzer, c'est le buzzer. Donc. Ouais, à préciser, hein. Ouais, ben, des fois, les gens suivent pas la conversation, puis tu sais, j'ai peur un peu. Hein, François, on essaie de t'expliquer au monde. Bon. Donc, question. C'est bien réussi. Oui, elle est très, très facile, celle-là. Donc, nommez-moi deux succès francophones des années 80. C'est tout? J'étais ben, très oui, jeune dans les années 80. Okay, ben, tiens, on va y aller. J'en ai un, tu nommes l'autre. Moi, je suis okay. Jeune, moi, là. Patrick Bruel avec le... Ça prend-tu le titre de la chanson? Ben oui. Ouais. Elle est, c'est quoi? À qui le droit? À qui le droit? Ça, c'est années 90. Je vais aller vérifier. Je suis pas sûr. Je vais vérifier. Pas mal sûr, c'est 90. Même, ah. Je dirais mi-90. Ah. Ouais. C'était 80, tu voulais? Moi, j'aurais sur le taxi de Vanessa Paradis. J'ai pas donné mon droit de réplique. OK, moi, j'étais encore drap. OK. Non. Vanessa Paradis. Je dirais Francis Cabrel. Quelle chanson? Les crimes des années 80. Ah oui, t'as raison, c'est 89. Es-tu sérieux? Oh. Ok, non, je dirais les hommes. Solide des, de même. Les hommes, des femmes et la bière dans les yeux, c'est une des 80. Oui, mais oui. Mais c'est pas l'artiste. Notre chanson, mais j'ai pas la chanson, on pourra pas la chanter tous en cœur. Mais. Au karaoké, on a gagné 3-0. C'est l'autre le mardi soir au karaoké. François, tu disais 3-0, man. 3-0, on gagne. T'as acté l'enfer. Pas pire, là. Calme. Mangez vos croûtes. Les filles. Mangez-vous la croûte. Hey, mais je sais pas, tu sais, Annick. Années 80, je suis jeune, moi, encore, là. Ouais. Tu sais. Petite pouliche. T'es né en quoi? En 94? 80. Ouais, c'est ça. Tu peux rajouter une couple d'années, genre... 97? Non, de l'autre bord. Oh, on n'a pas le temps de jaser d'âge, hein? Pas de temps, pas de temps. Oui. Donc, David Ferron, dernière pièce à écouter après ça, Straight Pipe, Straight True. Oui, c'est ça, c'est Coup et blessure de Bébé Brune, que Toon, qui est même pas encore sorti au Québec, mais qui vaut vraiment la peine d'être connu. Cool! Bon, on écoute ça? Et oui. Bon, ça? Assemblage requis, puis après ça, ben on va te revenir puis te dire bye-bye. Oui. C'était. Ouais. C'était. Il reste comme 10 secondes à la zone, c'est pas grave. Ouais. C'était quoi? C'était. Bébé Brune. Oui, mais c'est pas le résultat de la gastro du groupe de Patrick Bourgeois. Franchement. Mais non. Franchement. J'avais honte d'avoir laissé un silence, là, mais j'aurais préféré un silence à cette blague-là. Mais non, t'as le sens de l'humour, mais c'est juste que tu fais semblant d'être un animateur sérieux. Scatophile, on aime bien ça, des affaires. Ouais. Ouais, c'est ça, à 5 micros, ça amplifie le son derrière. Ouais, mais c'est fun. Hey, on pourrait dire n'importe quelle connerie maintenant et on va se faire censurer par des drills. Alors, nous venons tout juste parler dans notre cours de biologie de la procréation des poissons en fonction de la température maghrébienne. Change de poste. Question 89-9 déjà. Donc, David Ferrand, c'était 3 chansons Made in France. Oui, en 2012. Oui. Très bon blog, François, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon blog. Vous allez arrêter de chialer que je présente juste des chansons plates. Nous, on l'a jamais dit en onde. C'est toi qui te l'as dit. Très bien dit. C'est méchant. Donc, des chansons qui sonnaient années 80. Et est-ce que tu as un thème pour la semaine prochaine ou tu y penses encore un peu? Ben, peut-être que je pourrais parler de la sexualité à travers des chansons francophones tant qu'à être dans. Tant qu'à faire ça, oui. Ah, oh, ben. Annabelle va terriblement. Tu me voles mes sujets. Tu veux-tu parler vraiment de la sexualité dans les chansons françaises? Ben non, ça aurait pu faire partie de mes. Ouais, prenez rendez-vous, parlez-vous-en. Non, mais c'est ça, au pire, faites une chronique ensemble, là. Oh, ouais. Comment ça pourrait quoi, l'intro, François? Inventons une intro. Ah non, je vais présenter un contrepoids, je vais présenter le best-of de Mireille Mathieu. Personne ne comprend la blague, mais OK, attends un peu, je vais essayer de... Je peux pas l'expliquer, il n'y a pas d'explication d'ailleurs cette blague. Mais non, comme c'est... quoi c'est quelqu'un de très catholique, ouais. Qui s'est insurgé contre les poussiérayottes, comme quoi c'était mérité qu'elles aillent en prison. Fascinant, ouais. C'est vrai, elle a sorti contre les... Ouais, contre les poussiérayottes, elle disait comme quoi ce qu'elles ont fait dans l'église de Moscou, c'était un sacrilège contre Dieu, puis... Très bien. Mais écoute donc. Ça me laisse comme ça. Pantouais. V'là ma face de gars qui sait pas trop s'en aller avec ça, t'sais. Moi, je suis Pantoite. Pantoite. Merci, David Ferron. Fait plaisir. Merci tu restes avec nous un petit peu? Si vous voulez. Oui. On vous dit tout le temps. Je sais aussi. Oh. Une autre chronique, la langue dans ton oreille, la semaine prochaine, mercredi, vers les genre 8 ans. Ouais, si tout va bien, là. Si tout va bien. Pour l'instant, on prend une pause. On vient tout de suite avec Annabelle Maton. On lui laisse le reste de l'émission et plus. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Milodeau nous parlera d'habitude et d'espérance de vie dans sa chronique d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Réville nous fera un compte-rendu des activités et actualités de la GEQTR. Et on discutera de politique avec François Landry. Le retour de sa chronique Logocratie 101, c'est demain 7h à assemblage requis. Be there, please! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. C'est un bon petit 45 secondes qu'on aurait pu éviter puis ça te donnerait plus de temps. Mais non, mais c'est correct, mais là... Hein? Comment? 8h51 minutes. Oui! 8h51, OK, ben c'est correct. Ben c'est correct. C'était comme une petite chronique. Non, mais c'est pas grave, prends le temps qu'il te faut. Donc, Annabelle Maton, on l'accueille, c'est la nouvelle... est-ce qu'on dit coqueluche? On dirait une maladie, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais. Tout le monde l'aime. Ah. C'est ça. Donc voici, je t'aime moi non plus. Ben, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui. Oui, je t'aime. Moi non plus. Je rêve et je deviens entre tes reins. Et je me retiens. Que c'est sensuel tout ça. Bon matin officiellement à la même maton. Allô? Oui. Chronique, je t'aime moi non plus. Chronique coquine, on parle de sujets tellement variés. Ben oui, mais tu sais, comme après le sérieux de la chronique de la semaine passée, c'était je me suis dit. C'était l'historique, la semaine passée, ouais, du sexe au Québec depuis les années. Ben j'ai essayé de faire une espèce de petit survol, puis là, aujourd'hui, c'est comme un peu plus crunchy. Ouais! Crunchy. Peut contenir des arachides. Ouais, on y va en profondeur, là. Ben ouais! Ben oui, aujourd'hui. Je suis votre GPS à point G, on peut dire ça comme ça. Recalculer l'itinéraire. Oh, oh, oh, les yeux à David se sont écarquillés. Oh. Hein? Bon, alors... OK. Ça déstabilise des commentaires comme ça, mais oui. Quand même, oui. Mais tu sais, juste pour faire un petit rappel, la semaine passée, je parlais comme de l'érotisation des médias, comme quoi il y a eu l'apparition de la pornographie avec Emmanuel. que l'éducation s'est faite dans un cadre plus libre aussi à cause des révolutions qu'il y avait eu. Les révolutionnaires ont eu des enfants, alors les enfants, bon, c'est ça, ont eu moins de contraintes que leurs parents. Il y a eu la libération de la sexualité avec l'avènement des moyens contraceptifs. Ça a permis d'avoir justement une sexualité plus libre. Puis de ne pas attendre après le mariage, finalement. Ça l'a entraîné aussi une nouvelle phase de sexualité. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un petit sujet en lien avec cela, comme le point G et plus encore un autre... J'ai fait comme une petite découverte, en fait, sur Internet. J'étais comme pas au courant, genre le deep spot, là, c'est comme une espèce de... un autre point G, en fait, mais comme un double point G qui est comme plus dans le fond du vagin, comme... À droite, à gauche? Mais en fait, il y en a comme un devant et un derrière. OK. Puis, ouais, c'est comme spécial un peu. Est-ce que ça a été découvert récemment? Est-ce que c'est quelque chose ben, qui... j'ai vu... Mais en fait, mes sources comme sont pas très fiables. OK. Mais j'ai vu que c'était peut-être il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une théorie ou c'est prouvé, là? Ben, il y a des gens... C'est pas très fiable. De ce que j'ai lu, en fait, il y a des gens qui l'ont essayé, ça fonctionnait et tout, mais tu sais, c'est encore... C'est pas ton cas. C'est un peu... si on veut. Ouais. Si on peut demander la question. C'est un peu comme le point G, mettons, voilà une couple d'années, tu sais, les gens étaient comme moi, sceptiques. Est-ce que c'est comme un mythe? Est-ce que ça existe? Mm-hmm. Puis là, finalement, ben oui, ça existe. Okay. C'est un point G qui a été découvert par Graffenberg en 1944. Je le mets tout le temps avec Gutenberg, moi. Et Gustave de la fenêtre et tout ça. Tu mélanges ces affaires-là ensemble. C'est comme l'imprimerie. C'est comme... Ouais, l'imprimerie puis le point G, c'est comme un peu à l'opposé. Ben, à l'opposé. Ben non. C'est pas dans le même domaine. Ben, tu sais, on pourrait les relier par... Ben, il y en a pour qui la littérature imprimée, c'est de la jouissance. Il y a ça, Fifty Shades of Grey. Ouais. Ah, mon Dieu, on n'en parlera pas ici. On peut-tu? Revenons sur le chemin. Comment? Non, mais il y a tellement d'autres trucs aussi qui ont été faits sur la sexualité autre que Fifty Shades of Grey. C'est le grand nom vraiment. En ce moment. Là. Genre Anne Rice, là, mettons, si tu veux, du sadomasochisme, là, ben lit genre Les Infortunes de la Belle au Bois dormant, puis on s'en reparlera après. Tu feras des critiques de livres érotiques à un moment. Oui, je pourrais, tu sais, si j'ai le temps à travers comme mes autres lectures. Une session. Oui, c'est ça. Oui, alors, segment GPS, comment trouver votre point G, messieurs. Je peux te tester live, ça mon Dieu. Franchement. Non, une petite gêne. Je vais te réécouter ce soir, Annabelle. Je... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on ça va être diffusé en balado-diffusion voilà. Pour ceux qui sont trop gênés de le faire dans leur bureau. Ou celles qui sont dans leur voiture présentement, c'est pas le meilleur moment. Tu sais que François va nous quitter dans quelques minutes, on sait pas pourquoi, c'est peut-être pour ça. On sait pas. Non. Parce que lui, il va aller chercher son point G, c'est ça? Ah, je sais plus, ma blague a plus de sens. Ouais, c'est ça. En tout cas, ben c'est ça, messieurs, comment le trouver? Ou mesdames, comment le trouver? Bon, mais ben, messieurs, mettons, je me mets à la place de l'homme. Emmanuel avec un L. Couche, oui. Emmanuel avec deux L. Sur le dos. Ça fait une drôle de coupe. Hein? Ouais, quand même. Mais tu sais, je trouve ça sensuel un peu, comme la sonorité, elle. Mm-hmm. Ouais. En tout cas, fait que la femme couchée sur le dos, puis le point G se situe comme 4. Là, je le mime. Oui, tout à fait. Ça m'aide à visualiser. Sortez les caméras. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est comme 4 cm depuis l'entrée, mais il y a comme des variations. Il y en a qui disent que c'est comme plus proche. Mais plus anatomiquement, profond. Est-ce que ça peut dépendre de la personne aussi? J'imagine qu'il soit nécessairement au même endroit. Mais oui, mais tu sais, en moyenne, mettons, le vagin, c'est de 8 cm à 12 cm. C'est ça, il y a des profondeurs. Peu près, ouais, des 16, moins de 16 ça marche pas, ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement à 4 cm. On s'entend, mais tu sais, vous allez pouvoir checker vous en rendre ce compte. Là. Parce qu'il y a comme une espèce de changement de texture. Tu sais, la texture devient plus rugueuse. Fait que ça peut vous guider. Puis, ouais. Il y en a qui se poseraient la question des hommes un peu... comment je pourrais dire ça? Prude? Non, pas prude. Mais est-ce que... Mais tu sais, qui se pose la question comme si la femme va éjaculer si le... Il stimule le point G. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme une petite réticence, comme est-ce qu'elle va m'éjaculer en plein dans visage. Ouais, c'est ça. J'osais pas. Je trouvais ça un peu cru de dire ça à radio. T'avais dit bon. Crunchy. Ça, à date, c'est pas mal crunchy. Mais tu sais, c'est les vrais termes. Là. Ben, c'est médical. Ben, c'est ça. Ben, médical. C'est pas une maladie. Splash c'est médical. C'est coqueluche. Hein? Splash médical. Oh mon Dieu. Bon. Une vandale vixen, genre. En tout cas, oui, parlons-en pas. Non, ça va être pour une autre chronique, ouais. Mais la femme n'éjaculera pas nécessairement, en fait. Puis, tu sais, l'homme, s'il attend à ça, il ne faut pas le voir comme un échec, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont fontaines. Puis si oui, ben ce n'est pas comme la même quantité de fluide qui est libérée. Genre. Alors, ne vous inquiétez pas, messieurs. Pour la suite, la petite découverte, le deep spot, j'ai lu que ça procurait des orgasmes plus intenses et plus rapides. Il est situé un peu plus profondément que le point G. Dans le fond, il faut vraiment comme insérer son doigt pratiquement jusqu'à la hauteur du col. OK. Puis comme mettre le bout de son doigt comme en crochet, puis vraiment venir frotter pas trop intensément, messieurs, puis limez-vous les ongles. Limez-vous les ongles, ça peut être un petit peu agressant. C'est ça. Je dis ça comme ça. Moi, puis peut-être comme appuyer sur le bas-ventre d'Emmanuel avec deux ailes. Appelons l'autre Emmanuel. Emmanuel. Bon, mais ça oui, marche. Tu sais, les jeux de mots, hein? À chaque fois, Mathieu, chaque fois. Ouais. Tellement prévisible. Ben oui, c'est ça. Alors, il est situé un peu plus profondément. La texture est aussi plus rugueuse. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant la pénétration, le pénis ne fait que le frôler. Alors, c'est vraiment juste la stimulation avec les doigts qui peut parvenir à... OK, c'est vraiment nécessaire d'y aller avec le doigt. Ouais, d'accord. Ouais, sinon, ben, tu sais, ça fait pas grand-chose. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Un peu, mais... Ça reste moins. Plaisant. Moins. À moins d'avoir un pénis en crochet. Oh, mon Dieu! Excusez-moi, monsieur. Expérience de vie, ici. Non. D'accord. Hey, pas que je vous aime pas, mais moi, je dois quitter. Ah, c'est vrai, là, c'est là. Merci, François. Donc, oui. Rendez-vous. Merci à vous tous. Salut. Au revoir. Écoute, mais de toute façon, on va comme poursuivre en musique. On va, oui, très, très rapidement. Oui. François, je te dis juste à demain. À demain. Merci ben, pour ta présence. Je voulais pas comme que tu t'en ailles et qu'on dise pas merci. Ben, merci. T'es fait, c'est beau. Merci, ah ouais, déploie ton micro. Merci, salut. Ah ouais, déploie. Place tes draps pour moi plus tard. Donc, on s'en va entendre du Dredge. Hein? Ben oui. Dredge, tout de suite. Oui. Est-ce que t'avais la pièce principale que tu voulais entendre, mettons qu'on en avait juste une à écouter, mettons? Mettons. Celle que tu veux, là. D'accord. La première que je t'ai envoyée. The Thought of Losing You? Oui. Bon, ben on l'écoute à l'instant et puis on revient avec la conclusion de la chronique Je t'aime moi non plus à Saint-Bergerie. Et la conclusion de l'émission aussi. Losing you. Dredge, avec la pièce The Thought of Losing You. Assemblage Rocky, c'est toujours la chronique Je t'aime moi non plus, la chronique d'Annabelle Maton, et il nous reste une deuxième partie à faire. Ah, le point G et tout le kit. Mais oui, en fait, une petite partie sur des petites recommandations, puis une petite position comme ça, puis c'est ça. OK. Des petits trucs le fun. Coquin. Ouais. Mm-hmm. Coquinet. Toujours. Coquinet. Coquinet. Comme la coqueluche. Coqueluche. Ah, Mathieu. Call back. Hein? Ouais. Ça ouais, nous rappelle ça. Une blague de plus tôt dans l'émission. Oh my God. Donc, allons-y. Oui, c'est ça. Les petites recommandations, parce que ça, des fois, les hommes ou les femmes, peu importe, l'insertion des doigts dans le vagin, là. Uh-huh. Non, mais c'est comme, c'est le fun quand la fille est comme correctement lubrifiée, tu sais. Pas de presse. Ouais, c'est ça. Prends ton temps, charme-la. Prenez le temps de faire des préliminaires qui nécessitent pas de pénétration avec doigté. Mm-hmm. Hein? Parce que, c'est des fois, ça ou va avec être tes doigts. Mais c'est doigté, doigté, non, doigté, ouais. Tes doigts. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais merci, Steph. Bon, c'est clair, ouais. Maintenant. Puis, tu sais, lavez-vous les mains, parce que... Ouais. Bon, c'est ça. Tu sais, je l'ai dit, mettons, on dirait que c'est comme évident, mais parfois, les gens ne le font pas. C'est ça, dans la tête de certains, c'est évident, puis il y en a d'autres qui font comme... Ah ouais, c'est vraiment nécessaire, genre oui. Ben oui, parce que je vous dis ça comme ça, mais la prolifération de bactéries, ça peut mener à des vaginites. Tout à fait. Ben oui. Puis essayez pas d'être aussi performant que dans un film pornographique, parce que tu sais ça a été comme comment je pourrais dire ça, une grosse conséquence. Tu sais, les hommes se mettent beaucoup de pression, ils veulent performer, mais tu sais dans le fond, votre partenaire, tu sais. Elle veut, tout ce qu'elle veut, dans le fond, c'est que, comment je pourrais dire ça, que vous soyez à l'écoute de ce qu'elle aime et prenez le temps, soyez sensuel. Mais de toute façon, les images qu'on voit dans les films porno, c'est pas des positions qui sont faites pour être agréables, c'est des positions qui sont faites pour être agréables belle à la caméra. C'est ça, c'est fait pour que à la caméra, on voit bien les parties, puis t'as pas besoin de faire ça dans ta chambre. Ben là, oui, en théorie, il n'y a pas de caméra. Souvent, généralement. Souvent, il n'y a pratiquement aucune proximité entre les deux personnes. Ça se fait comme... À frette. Ben ouais, puis... Puis on s'entend qu'ils répètent aussi les mêmes images souvent, puis qu'il y a du montage. Là, ça ne dure pas nécessairement. C'est pas toute la durée, c'est ça. Fait que les non, jeunes, c'est... Non, c'est ça. Tu sais, c'est... Après une heure, là, à un moment donné, c'est assez... Ben non, mais tu sais, hein? En tout cas, c'est ça. Ah oui, puis une petite recommandation de position qui stimule le point G. Il s'agit, messieurs, d'insérer un coussin sous les fesses de votre partenaire. On entend ça des fois et on se demande si ça vaut vraiment la peine. Ben oui. Ça vaut la peine. Ben oui, puis tu sais, ben c'est ça, juste comme le fait de lever les fesses un peu vers le haut, tu sais, ça aide. Comme changer ça. L'angle. Ouais, ouais, changer l'angle, mm-hmm. Ça change tout. Yay! Hey! Hey! C'est bon ça, changer ouais, c'est l'angle, ça change tout. Ben beau oui. Puis tu sais, juste aussi une petite parenthèse sur les hommes qui complexent sur la longueur et la grosseur de leur pénis. Ouais. Mais sachant que le point G se trouve juste à 4 cm après l'entrée du vagin, mais c'est ça. Mais tu sais, ne soyez pas complexés. Votre partenaire peut être stimulé. Mais oui, en fait, c'est juste les premiers centimètres du vagin qui sont sensibles. Ben oui, donc, après, en théorie, avec seulement 4 cm de longueur, tu peux quand même satisfaire une partenaire. Ben le col est aussi très sensible. Oui, mais c'est pas impossible. Bon. En fait, c'est plus la circonférence, je pense, qui va faire une différence. Oui, quand même, mais tu sais, ben ça dépend aussi des goûts. Je veux dire, il y a des filles qui... Mais il y a d'autres formats de filles aussi. Ouais. Ouais, il y a des filles avec des plus petits vagins. Hein? Et ah, voilà. Mais ben, oui. Et je termine avec une joke de musicien. OK. Bon. Si vous frôlez son point G, elle criera en sol. Et si vous stimulez son point D, elle criera en ré. J'aime ça. Ouais. Le point D, c'est le double tie. Hein? Le point D, ben, c'est le deep spot. Là. Le deep spot. Celui qui parfait. Est plus loin. Je pensais d'avoir une blague de Kenny G, tant que ça. Kenny G, ah, ben ouais. Hein? Parce qu'on a parlé plus tôt dans l'émission. Annabelle Maton, merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Pour ta chronique, je t'aime moi non plus. On apprécie énormément. Et tous les mercredis à 8h30. Oui. On va te retrouver pour cette chronique-là. On va terminer l'émission ici pendant qu'on est encore pas si pire dans notre case horaire. On va remercier tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Donc, Stéphanie Paradis, merci. Ben, de rien. Annabelle Maton, merci. Ça fait plaisir. David Ferron, merci. Ben, ça fait plaisir également. Merci à François-Olivier Marchand. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve demain entre 7h et 9h pour une autre édition d'Assemblage Rocky. Demain, Maxime Bilodeau et sa chronique d'une foulée à l'autre. Il va nous parler d'habitude et d'espérance de vie. En fait, on les fait tous des mauvais. et des bons choix alimentaires. On se comporte d'une manière bénéfique ou dommageable pour notre santé. Bref, on effectue des gestes qui, théoriquement, du moins, haussent ou baissent notre espérance de vie. Mais comment traduire concrètement ces gestes? Autrement dit, comment comparer entre eux et additionner l'ensemble de ces bonnes et mauvaises habitudes de vie pour arriver en bout de ligne à un chiffre exprimant l'espérance de vie gagnée ou perdue? C'est ce dont il va parler. Il va nous exposer un moyen, en fait, une unité mise de l'avant par le mathématicien anglais David Spiegelhalter, de l'Université de Cambridge, pour exprimer cette réalité. Donc, c'est demain, jeudi, 7h30. Ensuite, Jasmine Raymond-Dreville et ses collègues de l'AGAUQTR. Et on va parler de politique avec François Landry à 8h30. C'est l'émission de demain. Ici, à Assemblage Requis, 7h, soyez-y. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et le kinky sexy qui manquait qu'on n'a pas dit à la radio. Le fait bonus. Exactement. Sur assemblagerequis.com. Passez par cifou.ca pour la programmation complète de C'est fou. On va se quitter avec une pièce de 3 gars sur le sofa, la couleur de ton choix, juste pour Annabelle. Merci. Puis à demain. Bye bye. Pas capable. Ouais. Là, on l'a eu. C'est pas bon. Moi, pas moi. Non. Choisis une couleur, un chiffre, ris pas. Ça m'a pris une heure. Je me souvenais plus comment plier ça. Je suis pas bon en dessin, mais toi non plus, fait que ça fait rien. Pa pa ra ra pa pa pa ra ra pa pa ra ra pa. La lumière dans mes yeux m'empêche de voir. J'suis content que tu sois là, même si j'suis en retard. T'attends depuis une heure. J'avais ton dessin, mais j'comprenais pas. Tu dessines pas très bien, mais moi non plus, fait que ça fait rien. Je vais te faire un paysage, mais ça te dira rien. Un soleil en coin, des M qui volent, pis les triangles, c'est des sapins. Sur une napkin à café, c'est sûr que c'est un peu moins invitant. Mais des fois, je me dis que cette place-là existe vraiment. Va faire un paysage, mais ça te dira rien. Un soleil en coin, des M qui volent, pis les triangles, c'est des sapins. Sur une napkin à café, c'est sûr que c'est un peu moins invitant. Mais des fois, je me dis que cette place-là existe vraiment. Pa pa da da pa. Je vais te faire un paysage, mais ça